Trois semaines se sont écoulées. Durant ces 3 semaines, Tori, tu t'es rendu au hospital, dans lequel on en a discuté, tu t'es fait ausculter, tu as fait plusieurs analyses sanguines, et tu es désormais sous traitement. Ouais. Pendant ce temps-là, ah oui, si, j'oubliais juste un détail, en plus, tu es allé aider sur le front. L'hospitalier, donc en tant que familancier, donc tu ne t'es pas battu contre les clans, mais tu as servi à soigner simplement toutes les tas et les tas de blessés qui se trouvaient à l'arrière du front, entassés dans des tentes. C'est ça. Et puis une fois que tu as fini ta mobilisation, tu as pu retourner à Carf pour retrouver Abby et Mokosh. Avec qui tu n'es pas encore. Parce que pendant ce temps-là, Abby, tu as pu, j'imagine, fonder un nouveau réseau à Carf. Donc, notamment que tu as certaines ambitions par rapport au groupe d'apocalyptiques se trouvant dans les sous-sols. Tu as commencé à venir 2 à 3 fois par jour, histoire qu'on commence à s'habituer à ta présence. Les gens ont commencé à te remarquer, puis tu as pu trouver de nouveaux clients parmi ces derniers. Parfait. Bien sûr, enfin, genre, quand j'y vais, c'est toujours en mode innocent. Enfin, genre, j'y vais pas en mode je vais rester devant la tenue 6 heures pendant. Très bien. Et d'ailleurs, tu as malheureusement remarqué que cette dernière a été déplacée puisque la corneille est rentrée. Ouais. Elle se trouve à l'arrière d'une espèce de salle. Mais Ouais. grâce à Mokosh, tu as pu obtenir un plan. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Que je vais t'envoyer immédiatement. C'est simplement un plan des égouts de la ville. Toujours compter sur mon coach. Puisque Mokosh, de son côté, s'est fait enrôler, en fait, en brigadé, parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix, parmi le groupe d'orgastiques de la ville. Donc, pour rappel, les orgastiques sont les soldats anabaptistes. Puisque la ville est sous influence anabaptiste, et cela va faire quelques semaines que tu patrouilles, que tu fais les basses besognes pour ces derniers, enfin tu les suis dans leur mission très peu mouvementée, hein. Il suffit de régler 2-3 bagarres dans une taverne et puis c'est fini. Tu as quand même remarqué que les anabaptistes de Carf étaient relativement extrémistes, alors pas dans leurs idéaux politiques, mais dans leur manière d'être. Ça veut dire qu'ils sont complètement accros à la brûlure qui est vendue dans les sous-sols, et c'est d'ailleurs là certainement la raison de la présence d'un si vaste réseau apocalyptique dans une si petite ville. Ok. Je me permets, dans le channel principal, de poster le plan des égouts que tu as pu obtenir lors d'une de l'une des missions, l'une de tes missions, et tu savais que Abby était intéressé par ce dernier. Bah, du coup, si une ou 2 semaines oh, joli plan. De tout, clairement, moi j'en ai profité pour commencer à parler de Mokosh, de mon envie De subtiliser la de tenue cette tenue, ouais. qui a été nommée l'ombre noire, la tenue de l'ombre noire, C'est ça. ce qui est extrêmement original de la part des apocalyptiques. Mais Mais bon, que voulez-vous? comme ça, voir un peu ce qu'elle. Enfin, déjà, est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle est chaud, etc. Enfin, genre. Bien sûr. De ton côté, du coup, Mokosh, que penses-tu de l'idée d'aller subtiliser les habits, enfin la tenue de combat de la corneille de Carf? Bah, j'en pense pas grand chose. Surtout que bon, bah, c'est un vol, donc techniquement, c'est à elle de le faire. Hein. Parce que c'est pas moi qui vais venir voler les machins. Donc, bah, elle fait ce qu'elle veut, écoute, hein, mais qu'elle le fasse quand on aura ce qu'on était censé venir chercher ici. Oui, c'est évident. Et c'est plus, je t'en parle parce que genre on est un groupe, tu vois, genre. Ça, c'est pas une. Non, petite... on est pas un gros, moi maintenant je suis stagiaire avec des orgastiques. Non mais oh. T'es pas stagiaire, c'est-à-dire tu fais pas partie de leur entre guillemets. T'sais, ils te traitent pas comme une sous-merde. Mais tu voilà, tu fais. C'est comme si t'étais une soldat, on va dire, parmi tant d'autres. De toute façon, on verra ce qu'en pense Torix, mais j'imagine déjà sa réponse. D'ailleurs, ce soir. Vous avez été invité à une petite cérémonie organisée par les orgastiques, justement. Dont leur chef, on va dire, si on peut dire ça comme ça, leur chef spirituel, qui est un Führer, donc le rang juste au-dessus, prénommé Wolfgang. Vous avez été invité à rejoindre une grande salle en plein milieu de la ville, dont toutes les fenêtres ont été recouvertes par des draps pourpres. Et lorsque vous joignez à eux, vous découvrez tout un spectacle en fait en soi de dépravation, un mélange d'apocalyptique et de d'orgastique réunis dans une même salle où vous avez des pies qui vont servir de la brûlure pendant que des ascètes, donc qui sont d'autres anabaptistes, font chauffer de l'encens. C'est beaucoup trop cool. Et comme ça, justement, vous avez cette espèce de voile de fumée qui se répand avec des odeurs qui sentent bon le côté un petit peu oriental. Et vous allez passer à peu près toute la soirée là-bas. Vous voyez Wolfgang, donc le fameux Führer, qui repart au bout de quelques heures avec une pie, un jeune blond que tu avais déjà aperçu de ton côté, Abby. Deux ou trois fois dans les égouts. Et j'aimerais savoir, durant cette soirée, est-ce que vous avez, oui ou non, consommé de la brûlure qui était mise à libre disposition pour absolument tout le monde. Sachant que de ton côté, Mokosh, pour rappel, même si tu n'es pas obligé de le faire, ça sera pas mal vu de la part des autres orgastiques si tu en consommes, au contraire, parce que eux, ils en sont complètement accros. S'il y a besoin, je peux aider Mokosh à se détendre en soirée pour qu'elle en prenne. Hein. Non, bah oui, j'en ai sûrement pris. Très bien. Histoire d'oublier que j'étais bloqué ici. Oh, mais. T'es avec. Non, mais dans la ville, pas forcément dans la fête, là. Elle est sympa, la fête. Ah, on est d'accord, elle est sympa, la fête. Et chose rare, vous avez même le luxe d'assister à un spectacle musical avec un groupe de musique. Qui a été payé spécialement pour l'occasion. Alors évidemment, c'est pas des rockstars comme nous, on pourrait les connaître. Ils vivent pas de ça. Mais certaines pies, certains apocalyptiques se spécialisent dans le spectacle et le divertissement. C'est cool. Sympa. Du coup, je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas. Je vous laisse m'acheter chacune un des 6. Ah non, tu l'avais pas dit. Voilà, et c'est simplement le nombre de points de sporulation que vous allez gagner. Oh merde, c'est vrai qu'il faut des dés. Mais c'est quoi ces putains de buddhistes? Oh, 6. Ah, je me suis pris une grosse race là. 4. 4. Heureusement pour nous, à la fin de la soirée, ils sont mis à libre disposition justement de l'EX, on en parlait tout à l'heure, qui vous permettent de réduire votre taux de spoilation d'un dé également. Ah, cool. Allez, refais 6. J'en sais plus. Attends, je vais jeter un autre dé. Pas niquer la... Allez, un petit dé bleu. 4. Oh l'enculé. Moi j'ai fait 2, du coup ça fait qu'il me restera 4 sports. Ok. J'ai pris une grosse race et je suis incapable de me dessouler. Abby, en effet, s'est pris une bonne grosse race et au moment où vous sortez de la fête, tu te situes encore un peu sur le trottoir, tu vois, t'as la poitrine qui est... dans la poitrine, j'entends l'intérieur de ton corps qui est complètement chaud bouillant. T'as tes muscles aussi qui sont tous détendus un maximum. Et... Tu vas voir Tori qui nous attend devant en mode mais... Qu'est-ce que vous faites ? Et bien justement, au moment où vous sortez, vous entendez une voix relativement familière au loin, qui est celle de Tori. Parce que pour rappel, dans cette ville, il y a des spitaliers qui gardent un puits, parce qu'ils font payer l'accès à l'eau. Mmh, évidemment. Et Tori qui était simplement là en train de demander son chemin. Excusez-moi, je cherche justement à rejoindre... je sais pas c'est quoi l'endroit hein, qui m'entend de dire ça et vous sauriez où c'est Ah bah bien sûr, à ce temps-là de la nuit ils peuvent être qu'un seul endroit. Et tu vois, ils te pointent de la tête la rue juste à côté, perpendiculaire pardon, à celle dans laquelle tu te trouves. Ah bah écoutez, je vous remercie, j'y vais, merci, bonne soirée à vous. Et donc je me dirige vers la... cette rue. Du coup, nous, on a entendu que c'était... Bien sûr, oui, vous l'avez clairement entendu. De plus, grâce à tous les bourgeons que t'avais pu inhaler lors de cette soirée, tu sens que tes sens sont complètement décuplés. Tu n'as aucun mal à reconnaître la voix de Tori. Tu entends même ces bruits de pas, ces qui résonnent au moment où il s'approche. C'est horrible pour le crâne, mais... Clup, clup, clup, clup. Je fais de grands gestes de la mode. Hé, on est là. Donc du coup, je suis attiré par ce bruit. Et tu te déplaces et en effet, tu vois tes deux compères qui se trouvent juste devant une espèce de grande porte gardée par deux soldats. Du coup, quand je les vois, est-ce que je me rends compte qu'elles sont dans un état pas normal, enfin, disons second ou... Eh bien, écoute, on va demander à Abby de nous faire un jet de charisme. Allez. Expression. 3D, expression... Ah, pas de D. Donc, que 3D. Ou alors, éventuellement, de psyché ruse, si jamais tu voulais... ça dépend comment tu veux le jouer. Attends, je dois faire un dé de moralité. Non, je veux dire, moi, normalement, je m'en bats les couilles, mais c'est Tori. Tu vois. Attends, je lance un dé de moralité. Si je suis entre 1 et 3, je m'en bats les couilles. Si je suis entre du coup, 4 et 6, vu que je sais que c'est Tori, j'essaie de faire non. Moi, drogué. Très bien. 2, bon bah je m'en bats les couilles, donc non, je me cache pas. Enfin, du coup, je fais juste Karim's expression, c'est ça? Ouais, vas-y. Allez. Avec une malus de 2D. Mince, ouais, non, excuse-moi, j'ai jeté les dés. C'est pas... Au pire, je fais un malus de 2D. Non. C'est-à-dire que j'en lance qu'un seul, quoi. Ah oui, y a pas de souci. Non, je vais simplement monter la difficulté de 1. D'accord, mais de toute façon, y a pas de problème parce que j'ai fait que 2 réussites, donc ça m'étonnerait que j'ai réussi à cacher non, quoi que ce soit. En effet. Tori, tu sens complètement en approchant, tu vois que Mokosh a l'air de bien tenir l'alcool et les différentes substances qu'elle a pu en gérer. Par contre, Abby à côté, elle a dû s'éclater. Bah, du coup, quand je m'approche. Tu me vois un peu faire un signe de la tête, genre dépité, tu vois, c'est pas vrai. Tu sens également ton mollusque, si tu y jettes un petit coup d'œil, qui s'affole. Alors rien de méchant, hein, mais sans doute que la fête bat à son plein à l'intérieur du bâtiment. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Ouais. Bon, comment ça va ? Rien de particulier d'ailleurs. Ça va ? Et toi ? Tu t'es fait faire en lavement ? Bah, tu sais, hein, c'est la routine en même temps. Hein. Mais bon, je dois dire que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses grâce à ça, indirectement, on va dire. Donc, c'est un mal pour un bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait depuis mon absence ? On a attendu ici, Et on a passé le temps comme on pouvait. Pendant tout ce temps, vous avez attendu ici? Oui, vu qu'on est censé rencontrer le type là. J'ai oublié son rang et Le tout ça. juge Prael. Ouais, le juge. Le commissaire Prael. Pour être Ouais, précis. commissaire. Oui, mais ça fait. On est bien d'accord, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. C'est ça. Donc Maintenant, tu sais pendant trois que. semaines, vous êtes resté là. Tu sais qu'ils n'étaient pas prêts de le retrouver, le commissaire Prael, parce que simplement l'un des ponts principaux menant à Carf s'est écroulé sur lui-même et n'a été réparé que très récemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre autres, toi, tu ne peux venir que maintenant. Oui. Je suis là, désolé. Et donc, même s'ils n'étaient pas au courant, tu te doutes certainement que eux, le commissaire Prael, ils n'étaient pas prêts de le voir pendant ton absence. Donc du coup, vous allez me dire que pendant 3 semaines, Ouais. vous êtes resté ici à attendre. Bah, bien sûr, c'était les Bah, ordres. si on était parti, je ne nous aurais pas retrouvé déjà. Non Déjà, mais genre, vous ouais, avez pu faire franchement. quelque chose et revenir, genre, c'est pas un problème. Non, mais on a fait des Et trucs, hein, mais. bien sûr, j'ai gagné cette carte et je sors la carte que j'ai gagnée la dernière fois. À la course! Enfin, jamais, Tan. Alors, hein? Ouais. Alors, dis pas qu'on a rien fait. Monsieur Ok. l'hospitalier. Écoutez, Merde. enfin, je suis pas là non plus pour vous chapeauter, mais bon, après, Mais ce n'est que simplement pour savoir ce que vous avez fait, Bah, si en ça fait, le problème, va. c'est que. En fait, on était obligé de revenir tous les soirs. Parce que, bah, en fait, ça pouvait arriver soit le matin, soit le soir. Donc, du coup, en fait, on avait la journée, mais on pouvait pas partir trop loin parce qu'il avait une chance de revenir chaque jour. Mais Donc. vous savez quand même que le pont auquel lequel il devait emprunter s'est écroulé. Donc il n'était pas prêt d'arriver, le monsieur. Là, si, d'ailleurs, si je suis là que maintenant, c'est bien parce qu'il a fallu qu'il le remette sur pied. Sinon, je n'aurais pas été présent en ce moment même. Non, t'aurais Vous n'allez attendu pas à me toute la dire que vous n'êtes pas au journée. courant que le pont s'est effondré. On C'est est. possible. Non, oui, on est au courant. Alors, et vous Il étiez prend quand toutes les même, formes. vous reveniez quand même tous les soirs au cas où il serait revenu. Voilà, vous êtes en train de me prendre pour un imbécile, peut-être. Non, Ne, non. oui. Oui. Je vous reconnais bien là, les filles. Non, mais Toric, franchement, je trouve que tu prends toujours trop à cœur, en fait. Voilà, moi je te Non, le dis. je pense surtout que mademoiselle Abby, tu te fais plaisir, tu C'est prends vrai. des choses qui ne sont pas conseillées de prendre, surtout pour moi, hospitalier, tu sais que je n'aime pas que tu prennes ce genre de choses. Hein. Bon, Mokosh, je ne sais pas si tu as appris ça, mais bon, tu as l'air de, en tout cas, bien encaisser, c'est bien pour toi. Jamais. Non mais. Mais bon, voilà. Mais Si vous avez je ne fait des prends pas choses comme qui ça. sont illégales ou qui sont pas C'est pas très illégal. conseillées, après, je pense que nous devons être honnêtes les uns envers les autres. Hein. Vous Non mais. savez que je vous ferai un peu la morale, mais sans plus. Hein, je vais pas vous. Hein. Ouais. Enfin, bref, je n'arriverai Excusez-moi. pas à. Vous voyez l'un des. Enfin, tu vois l'un des orgastiques qui gardait la porte. Excusez-moi, mais vous devez partir. C'est mauvais pour les affaires d'avoir un spitalier devant l'entrée. Écoutez, bah, du coup, je leur dis de venir avec moi. Vous n'allez pas rester Bien là sûr. maintenant. Bon. Nous on t'attendait, hein. On est là, on t'attend Ouais, pas. d'accord. Ouais. Ouais. On est en D'accord. restant. Eh ben allons-y alors. Ouais, allons-y. C'est ainsi que vous repartez. Sur le chemin, vous croisez plusieurs groupes de fêtards qui sortent de différentes auberges et différents même accès maintenant directement aux égouts. Et sauf si vous voulez faire un détour entre-temps, j'imagine que vous retournez directement à la carafe, Oui. qui pourra rappeler l'auberge qui vous accueille. Bien sûr. Très bien. Vous vous y rendez, ça vous prend quelque temps. Mais finalement, vous arrivez sans aucun souci là-bas. Comme d'habitude, enfin, comme d'habitude, on vous accueille et on vous mène jusqu'à vos chambres dans laquelle vous pouvez vous reposer. Le lendemain matin, Vous êtes réveillé par les premiers rayons du soleil. Vous avez dû dormir 7-8 heures tout au plus. Et du coup, quels sont vos premiers réflexes, on va dire, au réveil? Je pense comme moi, enfin, moi c'est ce que j'ai fait à peu près tous les matins, c'est rejoindre mon coach dans la grande salle, enfin genre le truc principal quoi. Très bien. Bah je me fais une petite toilette moi. Ça, on va déjeuner nos céréales. Nos céréales du matin. Au moment en effet où vous redescendez, vous repensez à ce que vous a dit Torik par rapport au pont qui avait été réparé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, simplement des gens qui espèrent soit quitter la ville, soit qui arrivent depuis Justicienne. Et parmi eux se trouve le commissaire Pryel. Enfin, vous le voyez accoudé au bar en train de manger un justicien, qui est un repas typique de la région, qui se vend dans le protectorat. Ah, je crois qu'il y a des cannibales. Non. Mais il n'est pas seul, puisqu'il est accompagné de la pie que vous avez rencontrée exactement durant votre première mission, qui s'appelait Angel. Angel, c'est ça? Exactement. Attends, laquelle? C'était celui qui avait enlevé la fille, entre guillemets, la fille du juge. Vous voyez que ce dernier a le visage complètement défiguré. Ah, ça arrive. Un cocard sur chacun des yeux. Au moins une ou deux dents en moins. Un véritable massacre. J'ai quand même plus fort. Non, pas vraiment. J'imagine que vous vous approchez, à moins que vous vouliez d'abord déjeuner dans votre coin. Non, je pense qu'on va y aller. De toute façon, depuis tant qu'on attend, oui, hein, maintenant faut y aller. Hein. Vous voyez, lorsque vous vous approchez, le commissaire avec ses fameuses lunettes teintées, son grand chapeau, qui vous salue. Il vous invite à vous asseoir sur une table un peu plus reculée dans l'auberge. On sera plus tranquille. Ouais. Bonjour, messieurs. Angel vous suit sans dire un mot. Bonjour. Excusez-moi tout d'abord du temps que j'ai mis pour vous retrouver, mais il y a eu quelques complications. Oui, on sait pour le pont, évidemment. Exactement. Maintenant, je ne viens pas les voir main vide. Comme vous pouvez le constater, Angel est ici présent avec nous. Ouais. Disons, il a quelque peu trinqué, le jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le juge qui regarde légèrement la pire, histoire de voir si elle veut raconter elle-même l'histoire ou pas. Mais cette dernière n'a absolument pas l'air enchantée à l'idée de se remémorer ce qui s'est passé. Elle se contente de boire une espèce de soupe de légumes, ne pouvant croquer dans un morceau de viande. Bon, eh bien, simplement, il y a quelques jours, alors que notre ami ici présent sortait de l'épave. L'épave, pour rappel, c'est cette espèce de grand bateau amarré à Justicienne où se trouve, qui a été transformé en grand casino, bordel, et tout ce qui va avec. Eh bien, voilà, sur le chemin, notre ami a fait une mauvaise rencontre. Un guet-apens, tendu par 4 juges, qu'il n'avait jamais vu. Ils l'ont tabassé pendant quasiment une heure. Oh. Jusqu'à ce que Axel Lacorneille envoie ses hommes à sa recherche. On a pu le ramener en vie chez lui, et elle m'a aussitôt contacté. Alors vous voyez, c'est assez étrange quand même, cette espèce de règlement de compte. Des juges qui s'en prennent comme ça à une pie à la sortie d'un bordel. Alors j'ai mené ma petite enquête. Et en effet, ce juge-là, il venait pas de la ville. Ouais, je suppose. Comme vous en doutez sûrement, l'attentat... Enfin, l'attentat, l'attaque... était dé... Pardon. Ouais, je m'en rends compte sur le disant. Elle était directement commanditée depuis Arme. Ouais. Arme, c'est là-bas que se trouve le juge Adalbert. Le tout début. Oui, j'ai exactement. Quelques souvenirs de cette ville, effectivement. Putain. Alors voilà, à mon avis, il n'y a pas tortillé du cul. Vous avez tenté de lui faire à l'envers, mais le juge, il a l'expérience en la matière. Il a dû réussir à tirer les verres du nez de sa fille. Et pour se venger, il a fait tabasser le pauvre petit et il a mis votre tête à prix. Ah, d'accord, c'est ça explique prix. Tout. Putain. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. D'ici une semaine. Oui. Oui. 6 jours, même pas. Juste au sud de la forêt de Versflush. Là où nous nous étions rencontrés pour la première fois, sera organisé un congrès de juges. Ce dernier a pour but de parler d'une nouvelle menace qui grandirait au nord. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que Adalbert sera présent, mais qu'il restera également là-bas quelques jours après la fin du congrès. Il sera seul et sans escorte. Presque trop facile. Et vous entendez quoi? Personne n'est censé être au courant. Maintenant, si jamais vous voulez tirer profit de cette situation, soyez gentil et me mettez pas dans la merde. Parce que je commence à poser beaucoup de questions. Si jamais quelqu'un venait remonter ça jusqu'à moi, je pourrais avoir de gros problèmes. Alors voilà, libre à vous. Vous pouvez tenter de l'attaquer chez lui directement à Arme, sur le trajet. Ou après le congrès. Après, je pense pas que ce soit peut-être très judicieux de s'en prendre à un juge. C'est vous qui voyez. Même si en soi, il a mis la tête à prix, c'est que quelque part, il a eu une bonne raison de le faire. Après, peut-être qu'on pourrait essayer simplement d'en discuter avec lui, essayer de le raisonner et de dire tout simplement qu'on a voulu écouter bien un sûr. Peu ce que sa fille avait à dire plutôt que de... Je connais pas trop sur Adalbert, mais même pour lui ça m'étonne quand même comme manière de réagir à ça, donc je pense que c'est surtout sur un coup de tête ou une crise qu'il a piqué qui s'est mis en tête de contacter des malfrats. Il devrait être raisonnable. J'espère bien. Sinon, ça va vite être gênant. Je vous comprends. Bah écoutez, je sais pas, les filles, vous voulez faire quoi? On essaye quand même de le raisonner ou vous voulez y aller un peu plus privé, je pense. Oui. Si maintenant, soyez sûr que... Après tout ce que je vous ai dit, tous les risques que j'ai pris pour en arriver là, je reviendrai peut-être vous voir à l'occasion pour vous demander un service ou deux. C'est normal. Ouais. Évidemment. Vous voyez qu'il sourit un peu. Ouais. Bon allez. Ça m'aurait étonné. C'est moi qui paye. Vous voyez qu'il pose un tas de lettres de change sur la table. Merci bien. Si vous avez des questions, c'est le moment. En ce qui concerne la réunion qui aurait lieu oui. Là-bas sur une menace qui viendrait du nord, de quel genre de menace exactement? Si vous savez, bien sûr. Oui, on m'en a un petit peu parlé, bah, je serai présent d'ailleurs. On parle de routes commerciales qui sont prises d'assaut, de villages qui sont coupés de tout lien avec l'extérieur, et Ça serait un groupe de bandits simplement, qui sans doute profite du fait que le protectorat soit agenouillé devant les clans pour faire leur petit business sans trop en risquer. C'est pour ça qu'on va réunir quelques juges et puis mener un plan d'action. Rapide et efficace. Alors, on est bien d'accord, la forêt en question, oui, c'est la forêt où on a été ou pas? Exactement. Non, le congrès se déroulera dans une ville à proximité. Uh-huh. J'aurais pas un pied à mettre à nouveau dans cette putain de forêt. Et D'accord, bah écoutez, je vous remercie. C'est toujours bien de savoir si effectivement il y aurait des brigands ou des à éviter. Ça peut nous éviter des soucis. Pour info, la ville en question s'appelle Fert. V-E-R-T. Vous voyez qu'il vous l'écrit sur un coin de table. Enfin, sur un coin de serviette de table. Et bon, bah, c'est comme le nom de la forêt, hein. C'est pas très compliqué. Ils ont pas fait preuve d'énormément d'imagination. J'y suis déjà allé, il y a qu'un seul hôtel en ville. Ça devrait pas être trop compliqué. Ok. Mais j'insiste, hein. Si jamais vous vous faites choper ou je sais pas quoi, je veux pas que mon nom soit balancé. Ben, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je me souviens pas de votre nom. Et ça, c'est vrai. Croyez-le. Tant mieux. Elle s'en souvient pas. Bon, allez. Salut les gars. Vous voyez qu'il vous fait un petit signe en rabaissant son chapeau avec sa main, et puis il se lève, il enfile ses gants, et puis il s'en va. Il est suivi assez rapidement de Lapi, qui au final n'était là que pour appuyer sa théorie, plus qu'autre chose. Ouais. Mokosh, au moment où tu les suis un petit peu du regard jusqu'à la sortie, accoudé au bar, t'aperçois un Jem Ethan. Oh. Qui te regarde et puis qui s'en va en laissant un petit mot visiblement à la serveuse. Elle le ramasse, enfin il lui chuchote plus ou moins quelque chose à l'oreille et puis il s'en va. Je vois. Il va falloir casser des bouches encore. Que faites-vous? Ouais, je vais commander à boire. Du coup, j'en profite maintenant qu'il est parti, justement pour un peu évoquer ce problème du Nord aux autres, en leur rappelant que ceux qui font ça sont probablement ceux qu'on a laissés là-bas en disant, en faisant croire à tout le monde que bah, qu'il y avait personne et que c'était bien une bête, voilà. Donc en gros, potentiellement... Alors, oui. Mais non. Ouais, pour le coup, la forêt ne se trouve pas au nord du protectorat. Ouais. Donc c'était pas de ça dont il parlait. Mais en effet, si jamais vous passez près de Vertflush, vous pourriez faire un détour vers le camp de résistants, enfin de déserteurs qui s'était derrière. D'accord. Ah, si donc, veux... pas... donc du coup, c'était pas ça, alors. Non, il parlait pas d'eux. La réunion a lieu près de la forêt. Mais la menace, elle vient pas de la forêt, elle vient de... Ah d'accord, bah, autant pour moi, j'ai cru que c'était ça en fait. Il y a pas tout ça. Le groupe de Brugand, d'accord. Oui, bah, en écoutez, effet, c'est bah, ça. Non, du coup, je n'ai jamais rien dit, hein. je n'ai jamais parlé de tout ça. Je republie la carte du protectorat. Mise à jour avec la liste de vos déplacements. D'accord. Ah, fichier trop volumineux. Bah du coup, je parle d'autre chose, hein, et je leur dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le juge là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, ça m'inspire rien, cette histoire. Parce que, honnêtement, je pense que ça serait peut-être pas judicieux de s'en prendre à lui. Ouais, parce que si c'est pour avoir toute la fonction sur le dos. C'est soit le tabasser pour se venger, soit lui faire retirer nos têtes mises à prix. Mais je sais pas. Bah, je pense qu'on peut peut-être lui en faire entendre raison. En soi, on n'a pas voulu lui faire du tort à lui, Simplement que sa fille nous a bien fait comprendre qu'elle n'était pas en danger. Donc du coup, pour non, nous, on n'était pas là pour... Pour l'arnaquer. On ne peut pas dire qu'on est innocent dans l'histoire. Bah après, on a privilégié plus ce que nous a dit sa fille plutôt que ce que lui nous a dit, quoi. Mais pas pour lui nuire plus spécialement. Mais pour parce que sa fille, voilà. Et c'est toujours une arnaque ce qu'on lui a fait. Et il nous a donné combien d'argent? Je crois que c'était 1000 lettres de change qu'on avait, si je me trompe pas. Ça doit être quelque chose un petit peu comme ça. Il nous a donné une avance au départ, non? Oui, attends, c'était. Non, mais ce qui se passe, ça devait être 500 avant, exactement. C'était 1000 lettres de change en tout, 500 c'est d'avance, ça. Et puis. 500 une fois la 4 fait, le reste, voilà. On va partager avec le blondinet et entre nous. Mais au pire, ce qu'on peut faire pour. Non, on rend pas l'argent. Je suis d'accord avec Mokoche. Donc tu préfères défoncer un juge et avoir toute la fonction des toute la corporation des juges derrière le dos, c'est-à-dire qu'on pourra plus faire un bruit. Je pense que je préfère cette histoire, je l'oublie. Enfin, moi personnellement, je m'en fous. Enfin, genre il y a des gens qui peuvent essayer de me tuer. Écoute, c'est pas grave si je meurs demain. Écoute, moi je tiens à la vie, hein, personnellement. Hein. Toi peut-être pas, mais moi je tiens à la vie. Moi aussi j'aime bien la vie. Mais voilà. Donc c'est pour si ça que c'est pas mon point de vue, mais c'est pour ça que tu dis si tu préfères t'adresser, non. Enfin, si on prend vraiment ce que je préfère, je laisserai juste couler la mise à mort. Non, mais... Ils sont incapables de le trouver, quoi. On peut aller discuter avec lui et lui dire simplement qu'on n'a rien à voir avec ça, tu sais, parce qu'a priori, quelles sont ses sources? Sa fille, c'est rien, sa fille, comme source, elle est partie elle-même. Je pense qu'on peut argumenter là-dessus, et s'il faut faire changer l'argumentaire de la fille, on s'occupe de menacer la fille. Oh, putain. Non, par contre, en vrai, on pourrait totalement se faire changer d'avis. C'est un gros con. Tu prends en otage sa fille, hein. C'est avec une lame sous la gorge. Je suis sûr. Mais je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire avec un juge. Je pensais être un peu plus subtil que ça. Ouais, non, mais je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire avec un juge, spécialement quand tu vois ce qu'il est capable de faire juste pour un mec qui a. Passer du bon temps avec sa fille sans pour autant la malmener. Je pense qu'il s'est fait rouler dans la farine par des petits cons comme nous et qu'il a la rage. Enfin, c'est un petit con, c'est tout. Ouais, mais là, imagine-toi, il s'est fait défoncer pendant une heure, le type. Mais il lui a rien fait, la gonzesse. Elle était consentante, il n'y a pas de souci. Si nous, on menace sa fille directement, ça sera une autre paire de manches. Je pense qu'on va avoir autre chose comme résultat. Donc c'est déjà la merde sur le front et un peu par ici. Si on peut éviter d'avoir des gars qui nous courent après pour une prime, je pense que ce serait pas plus mal. Donc on peut déjà essayer de parler. Jamais c'est un gros con qui veut pas changer d'avis. Oui, je veux bien qu'on parle après. S'il accepte pas, il va falloir faire avec les autres polices possibilités. C'est ça, faut passer à manière forte, quoi. Si jamais il voudra pas parler. Déjà, la question, c'est quand est-ce qu'on va le voir? Parce que c'est là, a priori, pendant. On peut très bien y aller avant, il est pas encore là, la réunion. On peut très bien le retrouver juste. Je crois de souvenir, il y a pas. Vous savez où il habite? On sait où il habite, on sait où ça se trouve. Il habite à Arme, vous allez voir, c'est juste un petit peu au nord de. Oui, justicienne. Oui, c'est ça. Genre, on peut y aller à pied. Je crois qu'on a genre un après-midi de marche, mes souvenirs sont bons. On y est dans pas longtemps. On peut très bien aller le voir avant qu'il parte. Vous y êtes, en un jour et demi à peu près. En fait, ça dépend de la manière que vous voulez faire. Enfin, moi, je vois, si vous voulez aller de la manière force, faut attendre qu'il n'y a plus de garde. Mais si vous voulez la jouer en mode on est vraiment innocent, faut pas jouer suspicieux et attendre qu'il n'y a plus de garde. Après, vous faites... Le seul détail que je me permets de vous rappeler, parce que je suis pas sûr que vous vous en souvenez. C'était que dans la ville d'Arm, justement, il y avait une espèce justement, de caserne de juges. De maison des juges, ouais, c'est ce que je me rappelle. C'est ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, parce que en soi, si vous allez chez lui et que vous repartez instantanément, voilà. Mais voilà. S'il pète un câble, on est en danger, quoi. Si jamais ça c'est, en effet, ça peut être un peu plus compliqué, parce que vous êtes directement confronté à d'autres juges. À une ribambelle de juges. Après, c'est pas la première fois qu'on fuirait devant une menace, Tauric. Ah bon? Si jamais ça tourne mal. On sait ce que ça fait que quitter une ville, hein. C'est pas la première fois qu'on vit. Ah oui, cette fois-là. Ouais. Bah après, on peut très bien tout simplement le voir quand il est quand même tranquille tout seul. Ouais, plutôt que d'aller chercher là où il y a toute sa, sa corporation. Ah oui, bien sûr. Moi, je dis juste que, après, si vous voulez paraître le plus innocent possible, attendre le moment où il est vulnérable, sans garde du corps, etc. C'est peut-être le meilleur moyen de paraître un peu. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt une brèche intéressante. Moi, je m'en fous, je vous suis. Ouais, après. Il faut quand même prévoir là, un peu de sécurité malgré tout. On sait jamais, on connaît pas trop son tempérament, on le connaît pas trop, le monsieur. Donc, on sait pas dans quel état il est aujourd'hui. Surtout que, comme nous a dit le commissaire, c'est pas dans son habitude de faire ça. Oui, mais après, ça remonte déjà il y a quelques semaines, donc je pense peut-être qu'aujourd'hui, c'est déjà un peu calmé. Et deuxièmement, soit après, il a quand même beaucoup insisté sur le fait que si on se fait choper, on lui parle pas. Donc si son plan était vraiment si infaillible, bon, normalement, je dirais juste qu'il aurait dû être un peu moins douteux. Je pense qu'il y aura quand même des mecs, hein. Je pense pas qu'il soit 100% seul. Ouais. Pendant qu'on parle, vous me voyez prendre 2-3 comprimés, vite fait. Bon, qui se drogue? Non, c'est mon traitement. Je me permets aussi de noter un autre élément. Pareil, vous en faites ce que vous en voulez, hein. Je dis pas forcément pour tenter de vous influencer. C'est que l'avocat d'Albert est donc un avocat. Et que c'est pas forcément un rang ultra prestigieux, vu son âge, au niveau des juges. C'est-à-dire, ils en ont pas rien à battre s'il lui arrivait quelque chose. Mais c'est pas une personnalité influente, protégée. En fait, c'est même presque, entre guillemets, on pourrait dire, un juge qui a un peu raté sa carrière. Quoi. Ouais, il a pas de garde du corps, c'est juste, si ça part en couille, on risque d'attirer d'autres juges. C'est ça, en gros, dans l'idée, c'est un petit peu ça, oui. Ça qui fait pas peur. Sauf évidemment, si jamais vous voyez venir ou quelque chose comme ça, il peut toujours. Et ça. Ouais. Mais en effet, voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit protégé plus que ça. Oui, je pense que ce serait quand même mieux de la jouer sécure et comme il nous a conseillé le commissaire, de le croiser, genre par hasard, tiens, voilà, au moment où. il est tout seul, il vit pas mal, et on discute. De le croiser où? Hein? Ah, mais de le croiser où? Dans sa ville, sur le chemin, ou après sa réunion Non, avant, c'est avant la réunion, c'est ça? Un peu avant la réunion qu'il est vulnérable. Non, c'est après. C'est après? C'est après, parce qu'il reste là quelques jours. Oui, c'est après sa réunion qu'il est vulnérable. Et bah après la réunion, alors. Mais quel hasard de tomber sur lui pile à ce moment-là. Bah écoute, nous aussi, on a des choses à faire dans le coin. Justement, il y a une menace. On peut très bien nous avoir demandé d'être présents parce qu'on peut avoir besoin de nous. C'est pas impossible. On nous a bien envoyé dans une forêt pour débusquer une bête immense que personne n'avait envie d'aller voir. Ça, c'est parce qu'on nous aime pas. Non, mais voilà. Oui, ça se tient. Depuis ces 3 semaines, j'ai un peu perdu l'habitude qu'on peut sortir de cette ville. Mais... D'ailleurs, à ce moment-là, vous avez la serveuse de tout à l'heure que tu avais remarqué, Mokosh, qui s'approche de vous. Mm-hmm. Et qui fait. Il y a un homme là-bas tout à l'heure qui m'a donné ça pour vous. Il vous tend un bout de papier. Je le prends. Ok. Tu le prends, tu le lis. Il a simplement écrit: rendez-vous au camp de Jamethan, au nord-est. Go. Moi je les aime bien, j'ai une étape. Mais non. Elle prend la monnaie qui est sur la table et puis elle s'en va. D'accord. Est-ce que tu dis quelque chose, mon coach? Je crois qu'on a un rendez-vous amoureux. Ah? Qui donc? Les autres, là, les bouses. Bah, je te passe le papier, je saisis ceux avec les chèvres. Ah mais c'est cool, on a trouvé quoi faire. On va aller voir. Ah ça, moi, je lève les yeux au ciel, genre oh, putain. Non mais c'est déjà méta, Tori, ils sont super cool, hein, je te jure. C'est des Sauf si on tombe sur ceux qui sont pas cool. Il y en a pas qui sont pas cool. Voilà. C'est un peu ça aussi qui m'embête. Mais bon. Non, mais... Je devrais être habitué depuis le temps. Non mais j'ai réussi à me faire un contact là-bas, alors commencez pas à faire vos enfants. Vous vous levez et vous, du coup, j'imagine, enfin, vous me dites si oui ou non, mais du coup, vous partez en direction du camp. Il va falloir, enfin, à part s'ils veulent pas, mais. Ai-je vraiment le choix? Sûr. Hein. Moi, je suis pas contre leur faire un petit coucou. Hein. Bah voilà. En bon, espérant que ça te dégénère. Non mais. Très bien, vous vous dirigez chemin au nord-est. Et vous tombez assez rapidement sur leur camp. Il n'est pas bien planqué parce qu'en fait, en plein milieu de ce désert, vous avez toutes ces tentes qui dénotent complètement. Alors, je vous envoie sur le channel des Genesis un exemple de ce que peut donner un camp de Géamétane. Alors, celui-ci est légèrement plus petit. Ah, il y a une chèvre. Oui. Non, mais... Je vais arrêter ça, mon coche. Vous n'avez pas autant de tours qui s'élèvent, mais en effet, vous avez des enclos de chèvres. Qui se balade un peu partout dans le camp. Ce dernier étant gardé par plusieurs membres de GMA. Enfin, plusieurs glaives de GMA qui sont donc, leur, on va dire, leurs soldats. Et au moment où vous arrivez, vous retrouvez simplement Tomar. Donc, toi, Torik, tu ne l'as jamais vu. Tomar qui vous accueille avec un grand sourire. C'est le mâle dominant super musclé. C'est ça. C'est mon contact, je lui fais un gros câlin. Oh. Dégoûtant. Ravi de vous avoir trouvé. Ouais, je me suis permis de reprendre contact avec vous et... Oh, enchanté. Tu vois, Torik, qui semble te montrer un certain respect. Je acquiesce de la tête, genre, durant son... On a un problème. Oh. Ah, comme par hasard. Je vous laisse, monsieur. Vous voyez, il vous accompagne en direction du camp. Bien sûr. Et vous traversez ce dernier jusqu'à la tente principale. Vous rentrez à l'intérieur. Cette dernière est plutôt joliment décorée. Vous voyez plein de babioles qui traînent, des choses accrochées simplement au plafond, on va dire. Plusieurs autres membres de leur communauté sont présents, dont une femme et un vieux qui semble être un petit peu l'archétype du vieux sage. Vous savez que dans leur faction, on les appelle les Iconides. Sur la table principale, donc une espèce de grande table ronde qui se trouve au milieu de la pièce, vous voyez des manuscrits. Alors voilà. Y a de ça quelques jours, mon père a fait l'achat, comme vous pouvez le voir, de ces manuscrits qui ont été écrits soi-disant par le prophète lui-même. Le prophète étant Jéhamé, donc qui était un individu plutôt influent avant l'Apocalypse. Un truc de vos machins. Et puis, en fait, ce qu'il faut savoir, tout le monde n'est pas forcément au courant, c'est que on n'a pas vraiment le temps d'apprendre à lire parmi nous. Et mon père a fait l'erreur de croire l'apocalyptique sur parole. Soi-disant, ce dernier l'avait déniché auprès d'un ferrailleur. Et du coup, quelle est l'entourloupe ? L'entourloupe, c'est que la seule personne qui sait lire parmi nous, c'est elle. Vous voyez, il pointe du doigt une Agari. Donc, ça fait partie des femmes dans les Jametans, parce qu'ils font partie de l'un des rares cultes à faire une différence... entre hommes-femmes au niveau du rang et des droits accordés au sein de la tribu. Ouais. Ils sont pas très très progressistes en d'autres termes. Et bah, ces dernières, après y avoir jeté un coup d'œil, nous affirment que ces textes sont complètement bidons. Mmh. Alors voilà, l'homme qui nous les a vendus, qui se faisait appeler Shane l'Acrobate, doit être loin alors qu'il est. Mais on aimerait bien, si possible, notamment toi, Abby, que tu te rendes dans les égouts et puis que tu tentes de récupérer de trois informations sur lui. On aimerait bien savoir par où il est parti. Si jamais il est resté, ça nous intéresserait également. À ce moment-là, vous voyez le vieil homme derrière qui parle dans une langue que vous comprenez pas. Oui, et aussi, il faudrait que vous pensiez à nous ramener quelque chose lui ayant appartenu, qu'il aura pu laisser sur place, revendre ou oublier. C'est des choses totalement improbables, mais... Soit. Ouais, on sait jamais. Ouais, on a quoi en échange? Parce qu'on n'est pas des coursiers. Si vous voulez, on peut tenter de vous donner la foi. La quoi? Ah, votre truc. Bon, à défaut, non, si vous voulez, on pourra vous payer ou simplement vous donner l'une de nos chèvres. Non, elles vont vous manquer. Le vieil homme, à ce moment-là, reprononce à nouveau des mots dans une langue que vous ne comprenez pas. Et vous voyez Thomas qui fait... Non, non, mais non, c'est juste... Enfin... Ouais, mais c'est quand les propositions intéressantes, du coup? Après, c'est intéressant, moi ça me permet de garder de bons liens avec les gens. Nos poches. Bien sûr, et puis sinon, je sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse? Sans lettre de change, ça vous irait? Moi, je vois, enfin... Les autres voient que genre je me tiens la tête, genre, je se secoue la tête, genre mais dans qu'est-ce que... Dans quoi ils nous ont fourré, quoi? C'est quoi leur truc? Rien de grave, c'est bon. Putain, bon allez, sans lettre de change, j'ai une chèvre. Non, franchement, la chèvre, ça ira, on n'aura pas grand utilité, mais... je sais pas. Ou une arme, peut-être? Ça peut être intéressant. Ok. Ouais, quel genre? Vous avez déjà une idée ou... Ah, il y a peut-être un truc qui pourrait vous intéresser. Vu que visiblement, si vous voulez, notre côté en termes d'armes, on peut pas forcément vous donner ce que nous on utilise, parce que si vous croiseriez l'un des nôtres, il pourrait penser que vous l'ayez volé ou ramassé sur le cadavre d'un Jamethan. Mais on a des fléaux, des espadons, enfin ce genre de trucs, quoi. Mais sinon, il y a le ferrailleur, enfin un des ferrailleurs de la ville qui nous en doit une bonne. Alors si jamais vous nous aidez, vous pourrez aller le voir et lui demander d'entretenir votre équipement gratuitement. Ça, pour rembourser sa dette. Ça, c'est plutôt pas mal, oui, effectivement. Ouais. Et dans le genre, on sait qu'il est engagé par les anabaptistes de Fort Première pour améliorer leur arme. Ça veut dire une meilleure répartition du poids au niveau de la poignée. Ce genre de combine. Dis oui. Plus les lettres de change. Les mocoches. Ouais, ça paraît plutôt intéressant, et c'est vrai. Et deux chèvres prêtes à manger. Cuites, tout ce que vous voulez. Cuites, par contre, ouais, c'est plus intéressant. Ça vous fera des rations si jamais vous devez quitter la ville. Motoche, allez. Ouais, peut-être, on y réfléchira. Prenez ça pour un oui de sa part. Eh ben, écoutez... Après, c'est comme vous voulez, hein, mais... Disons non, que ça... si l'un d'entre nous venait à se rendre dans les égouts... Oui, bon, bien sûr. Vous n'êtes pas forcément le bienvenu. Exactement. Non, mais écoutez, moi je dis, non. Ça me va. Très bien. Tu vois qu'il tend la main. Ben, je lui serre héroïquement la main. Ok. Il n'ose pas faire la même proposition à Mokosh et puis vous raccompagne jusqu'à la sortie. C'est, je vois tellement la scène où il tend la main à Moko. Vous avez le vieil iconide au moment où vous quittez la tente qui vous regarde avec un espèce d'air mauvais en mode ouais. Je vous tolère parce que Thomas vous tolère, mais s'il était pas en vous, sans doute qu'il vous cracherait également au visage. Dès que j'aime Ethan, c'est connu que c'est des petits cons. C'est tout le monde est con. Bon bah soit, et bah partons. Et retournons là-bas. Et discutons un peu. Très bien. Vous retournez en direction du coup de la ville et notamment de l'auberge. Je sais pas si vous avez justement, vous voulez discuter 2-3 trucs sur le chemin ou si vous attendez d'être en ville, de vous poser quelque part pour en parler. Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour nous écouter sur le trajet, non? Oui, clairement. ça devrait aller. En effet, ce dernier est plutôt désert. À part la poussière et puis les panneaux couverts de toile d'araignée. La poussière. Il n'y a pas grand chose. Du coup, oui, si tu veux dire quelque chose, c'est le moment. Moi, j'ai rien à dire. Enfin, on le fait leur truc ou pas? Bah oui. Attends, on peut avoir un contact avec un... Un glaive de jamais. Merci. Enfin, ouais, voilà, ça leur rend service dans leur religion. Qu'est-ce que c'est bizarre, là. Ouais, mais c'est important. Non. J'avoue que moi, je suis pas trop au fait de tout ça, puisque, entre guillemets, vous m'avez rien dit de ce que vous avez fait. Donc là, je me rends compte que vous faites des contacts à droite à gauche. Ah, mais bon. Abby a couru avec lui et j'ai cassé la gueule de son copain. Exactement. Et du coup, ça a créé des liens, et voilà. Ouais, de son côté, d'accord. Elle est là. Oui, bon. Mais en tout cas, malgré tout, même si je comprends pas trop bien leur histoire, c'est vrai que le deal peut être très intéressant pour nous. Ça on est d'accord, le deal est intéressant. Bon, au début, le champ de leur chèvre, on s'en foutait un peu. Mais là, on a quand même un contact avec quelqu'un qui peut apparaître dans les équipements, etc. Et puis moi, ça me permet d'avoir des bons contacts. Et comme ça, le jour où nous, on sera dans les soucis, on pourra faire appel à eux. Sur ça de prix. C'est pas faux. En effet, une mission, on n'est pas dans un jeu vidéo où ça se limite à une récompense à la fin. Si un jour vous avez besoin d'alliés, vous pouvez évidemment retourner voir les personnes avec qui vous avez déjà travaillé et avec qui vous êtes resté en bon terme. Et justement, enfin genre, vous pensez que je couche avec absolument tout le monde juste pour le fun, hein? Mais y a je ne veux pas le savoir. Je ne préfère pas le savoir. Vous connaissez rien au principe de relation. Bah non. Ouais. Moi je m'y connais en médecine, cas, c'est tout. Ce deal, et je pense, on conclut le deal, ça nous fait deux, trois bonnes choses. Et comme ça, en plus de ça, on pourra genre rééquilibrer un peu notre équipement, on va partir voir le petit con. Au moment où vous vous approchez de la ville, il est là. Vous remarquez que depuis hier soir, il y a tout un contingent de spitaliers qui se sont ramenés et qui ont commencé à s'installer en campement en dehors des murailles. D'ailleurs, oh, je sais ce qui se passe, là. Vous voyez des malades qui viennent les voir, mais ils semblent surtout, comme presque, on va dire, mener une petite armée de femmes lanciers prêtes à combattre. Est-ce qu'il se passe quelque chose, là, actuellement? Oh, quelques petits combats, des heurts entre clans, voilà. Donc forcément, on est là pour rafistoler un peu tout ce beau monde. Vous voyez qu'ils ne contrôlent pas l'entrée. Je te sens pas très honnête, mais... Simplement parce que vous êtes accompagné de Torik, donc pendant que vous discutez, il s'écarte tout naturellement pour vous laisser le passage. Oui, t'aurais intérêt à nous dire ce qui se passe réellement. Non, ah, après, oui, c'est vraiment ça. On est... Enfin, ils ont détaché parce que je suis venu avec eux, hein, mais Oui, il y a eu des combats entre clans. Et donc du coup, nous on était là pour les rafistoler. Après, bon, j'ai pas eu à m'investir physiquement dans les combats. Nous on était là vraiment en retrait des lignes pour vraiment s'occuper des gens. Donc là, tu les vois, hein, parce que là tu vois les gens qui, il y a des blessés, non, ou pas? Quelques-uns, mais là c'est plus des malades venant directement de la ville et qui essayent de profiter de la situation pour faire une petite visite médicale. Ah voilà, bah écoute, puis comme tu peux voir, bon, les gens, dès qu'ils voient des hospitaliers, ils profitent toujours de nous pour avoir une petite consultation vite fait, tu vois. En tout cas, ce que tu dis est appuyé parce que au moment où vous traversez la ville, cette fois-ci notamment la place centrale, vous voyez tout un rassemblement d'orgiastiques, d'hospitaliers, même de quelques apocalyptiques au niveau de la place centrale. Au-dessus de tout ça, vous avez Wolfgang, le même que hier soir, qui crie au niveau de la foule. Vous l'entendez donc comme ça, qui hurle « Les nécrovores sont à nos portes, les clans, pour la première fois, moins d'une journée d'ici, mobilisez-vous !» Et rejoignez-nous dans la bataille. Et puis la foule qui, elle, de son côté, entre guillemets, acclame, lance des cris. Les soldats lèvent leurs armes. Et du coup, je regarde Abby, je fais alors, je te raconte des conneries? J'aurais préféré, je crois. Oh, c'est pas mon genre. À mort les nécrovores! À mort les cafards! Allons rapidement au sous-sol, j'aime pas trop cette ambiance. Tu vois. Toric, je suis pas sûr que tu sois bienvenu au sous-sol par contre. Tu sais, tu vois, et c'est plutôt dans les sous-sols apocalyptiques, on vend des choses. Ah, mais qu'est-ce que t'as besoin de faire là-bas? Dire, nous on est censé. On doit aller interroger. Se diriger vers. Oui, on doit retrouver des traces de l'autre con. Que d'ailleurs, je crois que j'ai présenté le nom comme l'abruti. Tu noteras quand même que les hospitaliers, exceptionnellement dans cette ville, vu qu'étant donné qu'ils gardent le puits juste au niveau de l'une des entrées des égouts, même si en effet c'est assez rare qu'ils fassent des, entre guillemets, des patrouilles au niveau de. Enfin, un hospitalier isolé, ça pourrait passer. Si jamais il y en avait plusieurs, ça pourrait passer pour une descente, mais un hospitalier isolé pourrait se faire passer pour un client ou simplement un gars un peu perdu en quête de grandes sensations. Bah, Toric, tu fais pas trop ton hospitalier, s'il te plaît. Tu... Hein? Petit. Ok, parce que c'est ma réputation. Écoute, là, d'apocalyptique, ok? Écoute, je ferai un effort. Je vais fermer les yeux, si tu préfères. Merci bien. Puis surtout, plus tard, on reviendra dans le sous-sol pour voler une armure unique. Donc, bon, voilà, quoi, ça serait bien qu'on ne se fasse pas trop remarquer. Pardon ? Je n'ai pas dit ça. Tu sais, tu vois la corneille juste derrière qui passe. Je voudrais savoir quelle entrée vous comptiez emprunter, sachant que vous, pour l'instant, vous en connaissez deux, celle au niveau du puits et celle qui passe par l'auberge où vous étiez rendu la dernière l'auberge. Fois. Parce que le puits y allait hospitalier. En effet. L'auberge. Tu vois, Tori, que vous faites un petit détour dans la ville. Et vous rentrez à l'intérieur d'une auberge. Qui semble clairement être l'auberge de la dépravation. Oh là là. Rempli d'apocalyptiques et de. De brûlures. Ça sent la consommation. Tu vois ton mollusque qui s'affole légèrement. Ok, est-ce que je peux mettre mon masque? Bien sûr. Je mets mon masque. Je ne veux pas respirer tout ce qu'il y a dans cette pièce. Putain. Vous vous déplacez au niveau d'un escalier descendant que vous empruntez. Et ce dernier, directement taillé dans la roche, mène directement aux égouts de la ville. Vous traversez quelques couloirs. Tu vois, Toric. C'est la première fois que tu rencontres un petit peu cette vermine, ces bouseux de carfe, la vermine ouais, qui traîne en dessous de la ville. Des mecs un peu édentés qui te regardent bizarrement avec des pustules sur la gueule. Des gars complètement qui crachent de la sepsie quasiment à l'état pur au niveau du sol. Tu sens ouais. qu'elle ne fait pas bon vivre pour un hospitalier dans les égouts. Malgré tout, tu te vois adresser quelques sourires intéressés de la part de quelques pis au moment où vous arrivez dans la salle centrale, celle qui est simplement nommée l'auberge. Ouais. Écoute, je fais mine de ne rien voir, je fais mine de ne pas voir les sourires des pis, tout ça. Très bien, tu restes droit. Je suis Mokosh et Abby. En mode de garde du corps presque, tu sais, genre sans émotion quelque. Enfin, en même temps, il voit passer un gars avec un masque à gaz sur la gueule et non, en plus, une combinaison. Discrète, oui. Regardez-le, ouais, il est timide. Je pose pas de questions. Je ne parle pas, je dis rien du tout. Donc d'ailleurs, je ne parlerai pas. D'ailleurs, de ton côté, Mokosh, tu entends une autre pie juste à côté qui dit « Putain, regardez ce qu'elle a réussi à choper la nouvelle. » Mokosh, elle a comme moi. Comme si hospitalier c'était un client. En tout cas, ça le serait dans l'idée. Si c'était le cas, mais en effet, un client plus... qui octroie plus de gloire qu'un simple ferrailleur. C'est une prise de choix. Quoi. Il y a des hospitaliers clients, notamment l'ancien, enfin qui l'est toujours actuellement, même s'il ne le côtoie plus, supérieur de Toric. Oui, mais bien sûr, je sais, je l'ai été, mais ce que je veux dire, c'est que, mis à part ceux qui tournent mal, c'est pas mal. Il y en a quelques-uns, c'est en effet très très rare, et généralement ça se fait plutôt en cachette. Mais forcément, en fait. Après, on essaie de te tuer. Toute cette en fait surdose, tu sais, de règles d'hygiène, de règles de bonne conduite. Certains, il y en a qui saturent et qui veulent simplement passer du bon temps. Ah, clairement, c'est pas... Bref, moi du coup, j'allais voir, tu sais, il y a cette vendeuse que je, ouais. C'est pour elle que j'ai acheté ma ces produits. bouche-toi les oreilles, deux secondes. pendant le séjour, j'ai acheté pas mal de fois de la brûlure et normalement, je me dis, comme je suis venu plusieurs fois, il y a possibilité peut-être qu'elle sera plus enclin à me parler qu'un sympa comme nous. Bien sûr. Dans ce cas-là, j'ai demandé de me faire un jet de charisme, expression. Avec une difficulté 3, avec un bonus de 1D. Charisme, expression. Expression, putain. Ouais. Juste pour voir si ta gueule lui revient. Tu as le droit à un dé supplémentaire. Bah, même bien. C'est pour ça que tu as le droit à un dé supplémentaire. Oui. Oui. Oh, je suis très content. Du coup, sur 4D, j'ai fait 3 réussites, dont un déclencheur. Eh bien, tu la vois qui, lorsque t'approches, t'adresse un regard empli d'admiration et de respect. Bien joué, bien joué. C'est la première fois qu'on en voit un ici. Ouais, crois-moi qu'il est pas forcément heureux d'être là. Enfin. Si vous voulez, on a des chambres privées, s'il a peur de se faire reconnaître. qu'est-ce que tu veux ? Ah, j'ai appris l'affaire d'une... oui, c'était une pie, hein. Je me trompe pas, mec. Chaîne l'acrobate. Chaîne l'acrobate, et c'était une pie ou pas ? Juste pour savoir. Il te l'a pas indiqué. Ah, d'accord. Oui, bah, l'affaire de l'un des nôtres qui serait amusé à arnaquer un petit clan de GM Ethan un peu paumé. C'était Chaîne l'acrobate. T'en as entendu parler ? Eh bien, là, je vais te demander de me faire un G. De survie. Non, je pense que c'est dans le charisme aussi. Parce que pour moi, c'est ni de la ruse ni de la tromperie. Négociation, je pense. Oui, bah c'est bon. Charisme, négociation. Allez. Ok, j'aime ce que je vois. Alors, 6, 4, 4, ça fait 3 réussites, dont un déclencheur encore. J'ai les mêmes jets avec elle. Sinon, juste, j'en profite. Tu supposes que l'apocalyptique en question devait être un vautour. Parce que c'est typiquement le genre de truc qu'il pourrait faire. C'est, d'accord. Il savait très bien que les jets méthane ne savaient pas lire pour la plupart. Il en a profité pour leur revendre de la merde. Et du coup, tu m'as dit, tu as fait combien? 3 réussites, dont un échec. Bien sûr, 3 réussites, dont un déclencheur. Ok, très bien. De son côté, je vais, entre guillemets, me défendre avec un jet de psyché. Ça ne serait pas sympa. Volonté, psyché volonté. Je ne lance que 4 dés. 3 réussites et un 1. J'ai fait 3, 4 et un 1. T'as fait combien toi? 3 réussites, un déclencheur, c'est ça? Ouais. Eh bien, ça passe. Tu as un déclencheur supplémentaire. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, ça rompt l'égalité. Oh putain, c'est cool. Oui, c'est pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin, elle se défend bien, la petite. Ouais, j'ai une acrobate. Ouais, on l'a vu traîner ici, il vient de temps en temps. Il nous attire pas trop de problèmes, j'espère. Oh, ça va, enfin, disons que là, il a fait vraiment un sale coup et qu'ils sont plutôt bien énervés. J'essaie de calmer la situation pour éviter qu'il fasse un raid ou un genre de truc, quoi. C'est idiot, il passe pas un endroit sans foutre la merde. Ouais, ouais. Il a déjà. Il s'amuse à piquer un truc hospitalier. Qui gardait le puits. Genre, je sais, il y a ma tête qui tourne à 30 degrés super lentement vers Touric en mode. Ne réagis pas. Bah, moi, je suis. Genre, ma tête se tourne vers lui, genre. Non, t'inquiète, rien à craindre, ce con s'est fait choper. Ils l'ont récupéré immédiatement. Okay, okay. Enfin, immédiatement. Ils ont mis 2 jours à se rendre compte que c'était lui, mais bon. Dis-moi, moi j'aimerais éviter d'attaquer un de nos confrères, tu peux comprendre. Oui. Est-ce qu'il aurait pas laissé quelque chose, l'appartement, genre dans le coin, tu sais, avec une cliente ou quoi. Comme ça, je leur amène la preuve, je leur dis voilà, je l'ai tué alors que c'est pas du tout vrai, et ils se calment, ils passent à autre chose. Fais-moi un jet de psyché-ruse avec un bonus de 2D. Oh! Ah, il est gentil, le MJ. Ah bah, j'avais pas pensé à ça, c'est une très bonne idée. Ah, psyché, alors russe, c'est... c'est non. Ah oui, c'est vrai que... Attends, chaque fois je bug là-dessus. Pas de soucis, pas de soucis. Alors attends, psyché... Domination, reaction, willpower... Donc... Ouais, non, ça doit être cunning, hein, normalement. Alors... en effet, deception, c'est tromperie, domination, domination, face, c'est foi, réaction, réactivité... Willpower, volonté. Donc en effet, tuning, c'est ça. Et pas du tout, moi, coche. C'est pas la même chose. Ok, bah du coup, ça me fait que je dois lancer avec 2 dés supplémentaires. Ça me fait. Bah, j'arrive plus à compter, ça fait 6, 7, 8. Ça fait. Ouais, 8 dés. Ok, une réussite, un échec. Je lance 2 par 2. Encore une fois, moi, je me défends. Pas de soucis. Je me défends avec 4 dés. Ouf. Oula. Là, il y a plus d'échecs que de réussite, j'aime pas ça. Oh, critique. Réussite. Égalité. Je lance les 2 derniers dés. Oui. Alors. Excusez-moi, j'ai été content. Du coup, j'ai fait. Par contre, sur le 8D, c'est ouf. Mais j'ai fait 4 réussites. Donc, c'est quand même pas mal. Avec 2 déclencheurs. Ouh. Alors, moi, j'ai fait 2 succès, dont un déclencheur. Ok, ça marche. Enfin, ça marche. Je suis supérieur, quoi. C'est chaud. Eh bien si, je sais qu'il a vendu un artefact qu'il avait récupéré dans les ruines. Comment il s'appelle déjà, le rouquin là, Edward. C'est un ferrailleur qui tient la boutique d'objets technologiques. T'as une idée de l'artefact? Je sais plus, je crois qu'il m'a parlé d'une espèce de télécommande. Mais elle était hors d'usage, il en a tiré pas grand chose, il est en train de se plaindre. Ça va être parfait, je vais essayer de récupérer cet objet et ouais. Je vais essayer de calmer le jeu entre les jets et méthane. Et... Même qu'il a dit, et ça je pense que ça peut t'intéresser, qu'il avait gravé ses initiales à l'arrière parce que... en fait il y tenait, c'était un peu vraiment genre... bon, ça reste entre nous mais... c'était la chose auquel il tenait entre guillemets le plus, c'était symbolique pour lui. Mais il avait plus d'argent pour payer sa brûlure alors il cherchait absolument par tous les moyens... à se fournir en lettres de change. Et c'est sans doute ce qui l'a poussé à tenter de rouler les jets à méthane. La brûlure des fois est merveilleuse. Merci beaucoup, ma belle. Et on se revoit bientôt. Là, je vais éviter d'acheter maintenant parce que j'indique discrètement du doigt Tori que on se comprend. Allez, merci beaucoup. Allez, bisous. Et tu vois qu'elle se dirige vers un autre client juste à côté. Eh bien, Torix, on va pouvoir partir de là, tu iras mieux. T'as l'air un peu... J'acquiesce d'un hochement de tête. T'as le droit de respirer, hein, tu sais. Bah, je respire parce que j'ai mon casque, du coup, ça va, quoi. Tu vois. Putain, le mec, c'est enlève son masque, il respire plus. Il préfère mourir que respirer, quoi. En mode tout bleu, tu sais. Et c'est ainsi que vous repartez sous les regards insistants des apocalyptiques et des ferrailleurs présents ici. Ouais, forcément. Vous vous retournez au niveau de l'escalier que vous aviez pris, vous remontez dans l'auberge, et en sortant, vous croisez deux gaillards qui sont juste passés par là et qui commencent à vous aborder. Et vous venez nous rejoindre dans la guerre des clans ? Non, on a affaire, nous, on a une mission avec... on est occupé. Tout le monde est toujours trop occupé. Ferez-moi les malins quand ils seront à nos portes. Les jouets qui s'en vont. D'accord. C'était qui ces mecs ? Torik, tu les connais, Mokosh ? Non, je les avais jamais vus, c'est juste des gars comme ça qui... Soudainement s'en pris. J'ai pas vu. Qui étaient en quête de combat mené. Même si, en effet, il faut avouer que pour l'instant, les juges se font légèrement rétamer par les... par le cafard. Par les clans du cafard. Ok. Sur ce, vous tardez pas à trouver la boutique d'Edouard, parce que vous y êtes déjà allé. Pour rappel, c'était avec lui que vous aviez payé une transmission radio jusqu'au hôpital. Ah, d'accord. Par des infos que vous aviez recueillies avec Carmino Ferro. Qui était, mais on s'était pas engueulé avec lui ? Si, à la fin, vous étiez engueulé avec lui. Putain, fais chier. Ah, ça va être rigolo. Alors, attends, avant de rentrer, Mokosh, ouais. Pas d'agressivité au début. Mais par contre, si jamais... Non, Mokosh. pas de ça avec moi, je te connais mieux que quiconque. Mokosh, pas d'agressivité au début. Mais sache que si jamais il est un peu trop chiant, que même Torik et moi, on n'arrive pas à le concilier... Je fermerai les yeux si jamais tu t'énerves. Mais, au début, keep calm, d'accord ? Ok. Tori, tu es d'accord si jamais ça, il est un peu trop insistant Tori ? Il est mort. Mais attends, j'ai un doute. Ah, mais Tori, tu peux recommencer à respirer, arrête ! respire Oui, excuse-moi. J'ai eu une absence. Pas de soucis. Je sais que ça t'arrive, Tori. Non, mais je disais juste à Mokosh que si jamais le mec, vu qu'on s'est engueulé avec lui la dernière fois, n'est pas conciliant, faut qu'elle reste calme au début, mais si jamais il est vraiment chiant, moi je fermerai les yeux si elle s'énerve. Ok, de toute façon, en même temps, ai-je vraiment le choix de faire quelque chose, je pense quand Mokosh parle. Tori avec lui, trop de se capturer par des rebelles quoi. Quand Mokosh se lance dans quelque chose, c'est rarement facile de l'arrêter. Bah, c'est pour ça qu'on en parle avant, comme ça si t'es pas d'accord, c'est le moment où tu peux parler. En même temps, bon, je suis pas, voilà, je sais pertinemment que ça arrivera forcément. ça va, Tori, différent depuis que t'es venu. Je suis pas différent, c'est juste que je me fais une raison petit à petit, tu vois, à force avec le temps. D'ailleurs, en parlant de ça, Torik, tu vas me faire un jet de psyché willpower. Il va tomber par terre devant nous, mode. Non, mais je suis pas différent. Je vais très bien. Tu commences à sentir les effets des médicaments. Ah. Je sais pas si c'est positif ou pas. Non, attends, hop. D'accord. Par contre, du coup, MJ, pendant qu'il fait ça, moi d'un doute, mais la personne avec qui j'ai Méthane ou un contact, c'est pas Edouard. Hein. C'est non. Ça qui doit... Oui, on est d'accord, c'est un autre. Oui, non, c'est un gars, tu penses savoir qui c'est, sur la place, qui fait partie du grand stand des ferrailleurs. D'accord. Ouais, Edward, c'est un petit peu un cas à part, en fait. C'est même presque un plus un chroniqueur dans l'âme qu'un ferrailleur. Tu m'as dit psyché willpower, c'est ça, hein? C'est ça. Allez, avec une difficulté de 2. Ça me fait 3, ça me fait 3. 3D. Allez, Toric. J'ai 2 succès. Très bien. Eh bien, écoute, aujourd'hui, tu te sens plutôt bien. Oh putain, hey, je sens tellement Toric à morfler dans le camp des... Ok. Ok. Et vous arrivez, en effet, sur le palier qui est menant à la petite boutique d'Edward. Moi, je fais un signe de tête à Mokosh en mode elle le plan en tête et je rentre. Tu ouvres la porte, t'entends un petit gling-gling qui est dû à un objet métallique accroché à cette dernière. Et première chose qui te saute aux yeux et qui vous saute aux yeux, vous autres également, ce sont encore une fois les objets entreposés. Des choses dont vous aviez entendu parler mais que vous n'aviez jamais vraiment vu autre part. Des radios, des machins fonctionnels, vendus à des prix complètement exorbitants. C'est sans doute la boutique la plus chère que vous n'ayez, enfin de la ville tout entière. Parce qu'on n'avait pas acheté une boussole où justement on n'avait pas réussi parce que notre négociation avait foiré. Ouais, on n'avait pas réussi. Ouais, on n'avait pas acheté du tout du coup. Non, vous n'en avez pas. Je me souviens, on a dit ouais, vous allez avoir une ristourne et c'est là où il s'est énervé. Bon, tu vois, quand je rentre pas genre toute fière, tu vois, j'essaie de me faire petite en mode il va pas me reconnaître, il va pas me reconnaître. Et en effet, lui, il est juste là, il arrive assez rapidement de l'arrière-boutique. Oh, bonjour! Tu vois, visiblement, il ne semble pas retenir ce qui s'est passé il y a déjà maintenant 3 semaines. Parfait! Je regarde rapidement Toric et Mokosh, aucun veut essayer de faire la. Parce que comme j'ai déjà pas mal parlé aujourd'hui. Si aucun veut essayer de faire une négociation, je vais me lancer. Vous avez des achats à faire? Après, moi j'ai pas eu trop à faire à lui, donc je serais peut-être plus à même de laisser. Ouais, c'est juste comme histoire de vous laisser aussi un peu parler, parce que comme c'est moi qui ai déjà fait tout ça. Bah, écoute, pour une fois, je vais laisser Mokosh parler, puisqu'elle parle pas souvent. Non, pas Mokosh. Ok. Faut avouer quand même que Mokosh a un fort potentiel d'intimidation. Voilà. Oui, non, mais ça, on avait dit après. Il faut lui faire confiance à Mokosh. Bah, en vrai, est-ce que Mokosh, tu veux tenter un négoce ou Non, on négoce, après je ferai peur s'il faut. Ok, d'accord. Donc je commence et... Au besoin, il y a Mokosh derrière qui sortira sa clé en mode « Je t'attends. » Ok. Oui, plus ou moins. En fait, on nous a prévu d'un artefact qu'on nous avait revendu et on aimerait bien le racheter. Quel genre d'artefact? On parlait d'une sorte de télécommande avec une gravure d'initiale derrière. Ah oui, la télécommande. Ouais. Ah oui, bon, je vous la vends pour une bouchée de pain, si vous voulez. Ça serait parfait. Il m'a dit qu'elle fonctionnait, mais non. Je l'ai trafiquée pendant des semaines, et... enfin pendant des jours, et impossible. Alors bon, je vais être honnête, si vous la voulez, vous en tirez pas grand-chose. Hein. Ah, disons que ça va être plus utile que ce qui paraît. Je peux la voir rapidement, voir si elle est toujours... Oui, bien sûr. Tu vois, il retourne dans l'arrière-boutique, il arrive quelques instants plus tard, il la pose sur le comptoir. Ok, je la manipule en tout sens, tu vois, est-ce que les gravures sont encore là, est-ce qu'il a pas trop touché? En effet, à l'arrière, tu vois qu'il y a des espèces de petites décorations qui ont été gravées, deux lettres, et également plein de petits symboles, de petits mandalas. Sans doute qu'il a dû faire ça à un moment où il s'emmerdait autour d'un feu de camp ou un truc comme ça. Parfait, donnez-moi votre prix. Tu vois également deux petits trous qui ont sans doute servi à laisser passer une corde pour se la balader autour du cou. C'est doublement parfait. Oui, bah le prix, comme je vous ai dit, elle a pas beaucoup de valeur, donc je vous la fais pour 75 lettres de change. Ok. Vous aurez une petite corde? Pardon ? Petite cordelette, vous savez, il y a des trous dans le... Ah oui, tenez. Tu vois, il t'apporte une petite cordelette, une espèce de lasse. Du coup, pour le tout, je vous dois combien? Pour le tout, bah, plus la cordelette, 80 lettres de change. Parfait. Je me permets quand même, vous autres, 80 lettres de change pour une lettre, enfin pour une télécommande qui ne fonctionne pas. Oui, c'est quand cher. Même exorbitant. Moi, quand il a dit une bouchée de pain, j'étais en mode vas-y, je te passe 10 lettres de change, quoi. Oui, oui. Voilà. J'ai sauvegardé, hein, tu sais, moi je fais le pendiel, donc maintenant j'ai 737, ouais. Mais comme je suis riche, je. Ok. C'est pas grave. Je pose. Je regarde mon coche. Je vais voir si elle a pas l'air trop déçue. La connaissance. J'ai l'air très déçu. Surtout après avoir entendu le prix. Au pire. Moi, de toute façon, je hausse l'épaule en partant et je me dirige vers la sortie. Tu fais ce que tu veux. C'est pas une invitation. Hein, ouais, je le regarde juste un peu dans les yeux et je m'en vais, genre lentement. Tu sais pourquoi je suis la meuf qui provoque tout le monde. Je veux qu'il sente qu'il est passé à côté d'une prédatrice. Il a failli se faire bouffer. Ok, très bien. En effet, tu sens son regard qu'il a. Tu sens un petit peu ce moment gênant où il te regarde et t'entends un. Il n'arrive plus à avaler sa salive. Parfait. Excellent. Oh, très bien, ça se passe beaucoup. Et sur ce, c'est ça, vous repartez en ville et en effet, tout se passe pour l'instant exactement comme prévu. Ouais, trop, en fait, c'est trop suspect. Rapidement, vous arrivez. Au camp Jemetan au nord-est. Et moi, du coup, j'ai remis la cordelette autour pour vraiment dire, vous voyez, genre, il utilisait ça comme. Tu vois, genre, pour vraiment appuyer le côté, c'était à lui, quoi. Pas juste, j'ai pris une télécommande, j'ai gravé son truc. Quoi, genre, ouais. Ok. L'entrée du camp, vous voyez un DJ Jemetan qui, lorsqu'il vous voit, appelle Tomar qui vous rejoint assez rapidement. Alors. Et bah, c'était plutôt simple en fait de le trouver. Et je lui donne la. Enfin, je lui montre du coup la télécommande, lui tendant presque s'il veut la prendre. Quoi. Oh, merci. Attendez, suivez-moi. Vous voyez, il repart quelques mètres plus loin, vous rejoignez de nouveau la tente principale dans laquelle ont été entreposés des tas et des tas. De chèvres. De bougies. d'encens qui ont été allumés. Ouais. Presque comme si on se préparait à effectuer une cérémonie sacrificielle. Quelque chose de similaire. Ça sent la magie noire par là. Et à l'intérieur se trouve l'iconite, le vieux que vous aviez vu la dernière fois. Torse nu. Oh non. J'ai pas été fait pour ça, toi. Qui vous accueille aimablement. Vous voyez, c'est assez étonnant parce qu'en soi, il avait absolument aucune certitude de vous voir revenir. Et pourtant, il avait l'air très confiant dans sa tâche. Vous avez Tomar qui lui parle quelques instants dans une langue que vous ne comprenez toujours pas, sans doute du balkanais, et qui lui tend la télécommande. Ce dernier la saisit et puis esquisse un léger sourire. Et la place au centre d'un espèce de petit hôtel qui a été installé ici. À ce moment-là, Tomar vous fait signe de le suivre à l'extérieur de la tente. Ouais, je vais à l'extérieur. Parce que non, ça m'intéresse pas, les trucs d'hérétique, moi. Ouais, et puis voir des vieux torse-poil, hein. Je peux payer pour ça. C'est ça, en plus c'est loin d'être un top modèle. Au moment où vous sortez, vous le voyez qui vous remercie. Bah ok, c'est cool. Et j'espère que tout ça vous paraît pas trop. Mais ça c'est vraiment des coutumes locales, vous en faites pas, y'a rien. Hein. Oui, on s'en doute, Soit, moi j'y crois pas vraiment, mais bon. Voilà, on va dire que ça. De toute façon, t'as toujours été à part. Ça apaise les vieux du village. Putain, y'a un espèce de gros hérétique. Bon, eh bien, comme promis, tu vois qu'il sort de sa poche 100 lettres de change. Ok, On va faire un petit tour vers ma tante et puis je vous donnerai les carcasses de chèvres. Enfin, les carcasses, elles ont été préparées, vous en faites pas. Elles sont prêtes à être consommées. C'était pas trop triste? Oui. Vous voyez, Tori qui a du mal un peu à saisir vos blagues sur les chèvres. Ah, pas oui, trop. Enfin, du moins, il a peur de comprendre. En fait. Et tu sens la partition des lettres de change en bas, n'hésitez pas à changer ça sur vos fiches perso. Tu sens au regard de Mokosh que c'est justement ça qui qui l'a fait rire. Ok. Le fait que t'aies peur de comprendre. Et vous voulez manger ça? Il vous tend les deux carcasses au moment où vous arrivez au niveau de sa tente et puis Torik, ton sac. J'ai peur de les mettre à l'intérieur maintenant que je sais. Je donne mon sac. Sur ce, je me permets de vous mettre en garde. Oui. Vous voyez, je vais être un petit regard à ma coche. Non, pas concernant la nourriture. Bon, je suis vraiment emmerdé, mais bon. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, on nous a reporté une altercation au niveau de l'auberge. Ah bon? Ouais. Oui. Entre vous et un Ismaili. Bon, écoutez, c'est juste un pauvre type qui veut faire ses preuves et qui est toujours aucun au fait pour lui malgré ses 22 ans d'âge. Il paraîtrait qu'il prépare sa revanche. Bon, ouais. Merci de l'info, mais... Alors, si jamais vous voulez sortir par l'arrière du camp en douce et contourner la colline pour vous rendre en ville, ça me pose aucun souci. Si vous voulez que j'aille lui parler, je peux le faire également. Maintenant, sachez que si jamais il venait à vous tomber dessus et que vous vous défendiez, vous aurez aucune représailles de la part du clan, au contraire. Et là, je secoue la tête en disant... Allez, pourquoi t'as dit parti. Ça Thomas, tu sais, je t'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'on se reverra très bientôt. On va sortir par la sortie principale. Et je fais un énorme sourire vers Mokosh. Ouais. Ça y est, c'est parti. Disons que... bon, hein, rien contre vous. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai énormément de respect pour vous. Après, ça dépend de qui est dans le groupe. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup de respect. Mais celui-là, il est un peu... Tu vois, c'est un peu comme nous, tu vois, genre on a dans nos rangs apocalyptiques, tu vois, il y a les petits qui essayent de se prendre pour plus forts qu'ils sont, il faut les remettre à leur place, quoi. Du coup, si on peut mettre une petite correction, promis, on n'ira pas trop loin. Oui, j'en ai entendu parler. En effet, pour nous, enfin, pour vous autres, les pinsons sont un peu l'équivalent de nos Ismaélites. Je pense, oui. Et encore, paraît-il qu'en Africa, le pays où ils mangent des bébés... Il paraît qu'ils sont encore plus durs que ça avec leurs jeunes recrues qui doivent se battre à main nue contre des lions ou des tigres pour pouvoir avoir le droit de manger le soir. Et là, j'ai une pensée pour le je sais plus comment il s'appelle, notre ami qu'on a croisé. Ada. Ada, ouais, j'ai mis. Qui s'est depuis d'ailleurs reconverti dans les arènes de justicienne. J'ai pas souvenir de ça avec lui. Je... Non. Ouais, bah, je sais pas, en tout cas, c'est ce que raconte le chroniqueur. Bah, d'un côté, c'est vrai qu'il avait pas une tête d'être un mec qui a été élevé à la douce. Hein. Oui, c'est sûr, mais enfin bon, en même temps, est-ce que toi aussi t'as été élevé à la douce? Je pense pas non plus. Ah, mais moi j'ai eu une très bonne éducation. C'est ça, mais... Voyons. En tout cas, bah merci beaucoup, Thomas. En espérant se revoir bientôt et nous on va y aller. Allez, bonne chance. Merci. Et à vous aussi. Je conseille de nettoyer un petit peu l'endroit avant de vous occuper du blessé. Laissez faire l'hospitalier. Écoutez, sincèrement, j'en ai plus que marre de ces gamins. Ils se prennent pour des guerriers légendaires alors qu'ils sont incapables de maîtriser leur femme. Alors si vous pouvez leur infliger une bonne correction, allez-y. J'ouvre la tente et je laisse Mokosh sortir. Cicatrice à montrer à leurs enfants. Et là, je regarde le mec et je lui dis vous inquiétez pas pour ça. Touri qui est tellement en mode dépressif. Hein. Bon, on va les suivre. Et voilà. Donc, bah, on sort forcément, bien sûr. Ouais. Ouais, non, mais oui, là je suis Mokosh, hein, je commande plus. Et là, c'est, j'ai une pensée en disant j'espère qu'il est pas là. J'espère qu'il est pas là. J'espère qu'il est là. J'espère qu'il est pas là. Et moi j'avance en disant j'espère qu'il est là. Vous marchez en direction de la sortie. Yes. Cette dernière cette fois-ci n'est pas gardée. Ok. Oui, bon, ok, ça sent le traquenard. Vous passez l'entrée. Vous faites quelques mètres dehors. Et visiblement rien. Eh, j'ai dit non. Soit vous décidez de continuer votre chemin. Je suis déçu. Ouais, enfin, tu sais, il y a un peu le moment de est-ce qu'on doit retourner en arrière pour retourner faire le tour de la ville en mode hey, oh. On est là. Moi, je tapote le dos de mon coche en mode désolé. Vous passez par une espèce, on va dire, de. Au niveau du chemin, un passage en fait entre deux arbres. Et simplement vous demander de me faire un jeu de perception avec un bonus de 2D. Yeah, ça sent. Ça, c'est bon. 2D chacun en plus. Perception avec 2D. Perception, ça me fait 4D à lancer plus 2, 6D à lancer. Allez, c'est quelle perception là, je me rappelle. Je sais plus c'est quoi. Alors, perception, c'est dans instinct, perception. Ah oui, et donc c'est on a 2D supplémentaires, c'est ça ? Exactement. Échec. Ouf, le dernier dé qui va tout changer. Réussite ! J'avais presque pas assez de dés. Putain, ça m'en fait 6 à moi. Que l'on va mettre. Donc 3 réussites, 1 déclencheur pour moi. Très bien. 2, 3. 3 réussites. Je vais l'écrire dans le chat. 3 réussites, ça. Ouh, mon coche. Je t'ai vu. En faisant tournoyer sa clé mort. Coucou. Eh bien, le spectacle qui s'offre à vous est assez déplorable. En effet, sans parler des traces de des énormes traces de pas laissées dans la poussière rouge qui se dirigent en direction des arbres et des buissons environnants, vous remarquez tendu entre les deux arbustes une corde. Censé sans doute vous faire trébucher. Le ouais, problème, c'est que visiblement la personne qui l'a tendu ne possédait que des cordes à base de j'ai oublié le mot, enfin mais à base animalière. De bois. Qui est donc, c'est ça, qui est enfin en plus c'est ça je crois à la base. Mais enfin cette dernière est en réalité plutôt épaisse. Et là je me dis. Eh merde! Et un Mokosh, il fait oui! Elle semble également pas forcément extrêmement bien tendue. C'est-à-dire, ça. J'ai presque du mal à y croire, tellement ça semble irréaliste. Non, sans le dire vraiment, mais je le pense, mais d'une puissance que presque les gens pourraient l'entendre. Fuis! Fuis! Ils arrivent! Je vois tellement cette truc marcher en faisant. Fuis! Casse-toi! Fuis! Justement, vous entendez cette espèce de voix derrière l'un des arbres. Ils arrivent! Je sais pas! Bien évidemment, ces derniers ont pris soin de se mettre à l'opposé du soleil, ce qui déploie leurs ombres en plein milieu du chemin. C'est donc le guet-apens le moins. Non mais c'est terrible. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils n'ont toujours pas évolué au sein de la hiérarchie des Jamethan. Ah tu m'étonnes. Malgré leur âge plutôt avancé. Oh putain. Je sais même pas quoi leur dire. Tu sais, il y a un Mokosh qui range son épée en mode, mais non, ça vaut plus le coup, là. Tu vois, je me tiens, j'ai le visage dans les mains, c'est genre... Oh. Oh mon dieu. Auric qui est en train de mourir intérieurement. Ah non, mais là, c'est pas possible, quoi. C'est même Tori qui est en mode, mais c'est pas ça le travail de pro. Ce sont clairement des gros bouseux. En vrai, tu vas faire les meilleurs PNJ du jeu, je crois. Je veux qu'ils reviennent tous les 5-4 scénars. Pour se venger, tu sais. Ça a devenu un peu la Team Rocket de Genesis, quoi. Ouais. Je les aurai. Bon, non, mais franchement, Mokosh, vas-y, hein, c'est ton cordeur de gloire. Moi, je prends les popcorn et je t'écoute. Moi, je m'assois sur un caillou s'il y en a un. Je m'assois sur un caillou, je me suis mis. Je m'assois côté de truc, moi, ça va aller. En effet, vous avez une espèce de pierre un petit peu sur le côté du chemin. Et d'ailleurs, quand vous vous asseyez dessus, vous avez une superbe et splendide vue sur le dos de l'une des personnes cachées derrière l'arbre. Qui ne vous a pas capté. Genre, il y a son cul qui dépasse du buisson. Mais... Attends, ouais, dans l'idée, c'est un peu ça. Quoi. Juste qu'il vous tourne le dos et puis. Bon, bah, du coup, je vais m'approcher juste un peu, quelques pas de plus, juste. Et je vais juste dire. Bah, vous avez pas fini de monter mon hamac? À ce moment-là, t'entends un espèce de rire forcé en mode. Alors. Et là, évidemment, une silhouette qui n'était pas inconnue sort de derrière les arbres. Parce que je vois, on a toujours le sens de l'humour. Oui. Tu rigoleras moins quand t'auras ravalé ta fierté. Avec les armes ou sans les armes? Tu le vois qui ramasse une espèce de grosse branche au niveau du sol. Je dégaine lentement ma clé mort en disant t'es sûr? Oh pardon. Tu le vois qui respire assez fort. Allez, les gars, à ce moment-là, tu as trois silhouettes supplémentaires qui sortent de derrière les arbres. On s'y attendait trop pas. Bon. Je suis surprise. Tous armés d'espèces justement, ouais, de gros bâtons taillés dans du bois. Ce qui, mine de rien, peut faire mal. Bien sûr, mais elle a une clé mort. C'est ça. Branche contre branche. Tu le vois qui te tend l'un des bouts de bois. Bon, bah si ça vous amuse. Ok, tu poses ta clé mort, enfin ton espadon sur le côté. Ouais, je vais aller poser ma clé mort chez Tori qui habille. Ouais, d'ailleurs, moi je chuchote à l'oreille de Torik, vu que lui c'est le seul qui a des armes à feu dans le groupe et que moi je porte son fusil. Vu que je suis assise, en fait je fais glisser le fusil dans les mains de Torik pour que si jamais ça tourne mal pour Mokosh, il a juste à lever le fusil et tirer quoi. Si le MJ est d'accord qu'on fasse ça en discrétion. Bien sûr. Là, je prends. Je t'aurais bien fait faire un G, mais. Ils sont tellement nuls que ça sert à rien. Ils sont tellement obsédés par l'idée de mettre Mokosh à terre que. Ok. Qui n'y prête absolument aucune attention. Bon, je vais juste, avant de commencer, je vais juste leur dire « Bon, il faut que vous sachiez qu'une fois que j'aurai gagné et que vous serez par terre, je vais continuer à vous taper dedans. Alors, s'il y en a qui veulent partir maintenant, bah, leur honneur est sauf. » Eh bien, tu vas pouvoir me faire un jet de psyché domination. Je vois qu'il y en a un qui... Avec un bonus, je te l'accorde, de 1 dé. Oh. Ils vont se défendre avec un G de fois. Ok. Alors. Donc, j'ai fait 4 réussites, dont un déclencheur. Oh putain, ils vont tous partir. Le premier fait 2 succès. Oh. Alors. Oula. Ah. Le second, qui est notre protagoniste principal, il fait 5 réussites, malheureusement aucun déclencheur. Du coup il va rester. A priori il va rester. Ok. C'est cool, il y aura le combat. À côté de lui se trouve un autre GM Ethan. Une espèce de d'obède, putain, échec critique. J'ai fait un 5, 2, 2 et 2, 1. Bon. Et enfin le dernier. Putain, mais c'est tellement triste comme situation. 3 réussites et un déclencheur. Donc l'autre, je le mets directement off course, j'ai la flemme. Bon, ça va être tellement rigolo, genre, le mec est en mode haha, on est 4 contre 1, bida les 3 mecs, tu vois, le mec un peu gros, un peu en surpoids, qui le regarde et qui lui fait normalement, c'est chef contre chef, non? Oui. Eh, c'est... moi je suis au fond. Eh, mais c'est trop vrai, regardez, nous on est assis. Et du coup, il commence à s'asseoir à côté de vous. Et moi je discrètement, je dis, tu fais bien. Enfin, il y en a au moins un qui est moins stupide que les autres. Vous voyez, vous sentez que l'autre, le chef, il est pas super bien. Alors, nous y voilà. Attends, du coup, c'est chef contre chef ou il y en a d'autres qui restent avec lui? Non, du coup, c'est chef contre chef. T'avais fait combien? J'avais fait 4 réussites, dont un déclencheur. Oui, donc en effet, c'est chef contre chef. Puisque c'est le seul qui a fait un jet supérieur au tien. D'accord, ok. Eh bien, nous allons pouvoir procéder au premier jet d'initiative. Faites attention, il risque de ne pas y en avoir énormément. Oh putain. Oh mon dieu. C'est quoi les dommages d'un bâton? Oh, t'inquiète pas, tu pourras lui crever un œil. Les dommages d'un bâton. Alors, je vais regarder voir s'il n'y a pas déjà fait. C'est vrai que du coup, j'ai pas mes 8 dommages avec la force et tout ça. Non. Non, les dommages d'un bâton vont être légèrement différents des dommages habituels, puisqu'ils vont infliger des dégâts d'étourdissement qui simplement font des dégâts au point d'ego plutôt que de faire des points de dégâts au point de vie. Et pour rappel, si tes points d'ego arrivent à 0, simplement le personnage s'écroule entre guillemets de fatigue. Enfin, et c'est là le moment où Mokosh va commencer à le frapper. Donc, en effet, dans l'idée, si on donne un coup de poing, quelque chose comme ça, c'est difficile de mourir. Oui. Mais tu peux, entre guillemets, t'évanouir. Enfin, on va dire, si vraiment tu te fais frapper violemment. Ok. Mokosh a déjà eu au poing, hein, donc je pense que. De son côté, il possède un 6 dés d'initiative et 8 points d'ego. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des égos. Et avant de faire ton jet d'initiative, ce qui est donc un jet de psyché réactivité, si je ne dis pas. Oui, c'est ça. Donc, tu peux, si tu le souhaites, dépenser jusqu'à 3 points d'ego pour pouvoir jeter des jets supplémentaires ainsi qu'à ta première action de ce tour. Si tu dépenses 3 points, par exemple, tu jetteras 3 dés supplémentaires pour ton initiative et 3 dés supplémentaires lors de ta première attaque. D'accord. Bon, je vais en mettre 1 parce que je pense que il y aura pas de. Enfin, il y a une suite de toute manière, donc il faut bien en garder un. De son côté, il en dépense 2, ce qui fait jeter 8 dés. D'accord. J'en jetterai donc 7 et je relancerai un après. Ok. Eh bien, je t'ai jeté TD et affiché le résultat dans le. D'accord, c'est quoi le jeu déjà? C'est Psyché Réactivité. Enfin, Psyché Reaction, du coup. Ok. Donc ça me fait 5 du coup avec le point d'ego. Ok. Et ça me fait, comme juste avant, 4 réussites dont un déclencheur. Et lui a fait 4 réussites dont cette fois-ci 2 déclencheurs. Oh. Alors, vous jouerez en même temps. Du coup, vous vous trouvez sur la même ligne entre guillemets au niveau de l'initiative. Par contre, lui aura le droit à 2 actions, puisqu'il a fait 2 déclencheurs. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Combat, initiative. C'est ça, par tranche de 2 déclencheurs, tu obtiens une action supplémentaire. Je note les points d'ego qu'il a déjà perdu. Eh bien, vous êtes actuellement à plusieurs mètres de distance. Ce qui signifie que si l'un d'entre vous attaque l'autre, il devra avant effectuer une espèce de déplacement. En gros, pour décrire exactement le lieu, c'est une espèce de grande route, souvent poussiéreuse. À côté de vous, vous avez 2 arbres entre lesquels a été tendue une corde. Cette dernière vous sépare. Tu as également quelques rochers dispersés à droite à gauche. Cette espèce d'amas de poussière rouge au sol. Et justement cette distance de plusieurs mètres qui vous sépare. Ce qui en termes de règles en fait implique que le premier est attaqué pour un déplacement effectué avant. Ce qui augmentera la difficulté du jet de dé, il aura un malus de 2, mais augmentera sa défense passive. Voilà, c'est un petit peu complexe. De ton côté, je sais pas, enfin, dis-moi du coup, comment est-ce que tu souhaites aborder le combat? Est-ce que tu le laisses venir à toi ou est-ce que tu te précipites sur lui? Je vais pas me précipiter sur lui, j'attends, c'est à lui de faire ses preuves. Ok, très bien. Eh bien, en effet, celui-ci se précipite vers toi. Bâton à la main. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Le bâton inflige 3 plus force divisé. Enfin, non, 2 plus force divisé par 3 points de dégâts. Donc en égo. Ce qui pour lui fait 4 points d'égo. Plus déclencheur. Il s'approche de toi, donc tu le vois en courant. Il esquive au dernier moment la corde qu'il avait sans doute oubliée. Et s'apprête à t'asséner un gros coup de bâton. Une espèce de grand coup vertical. Dans l'objectif, tu sais pas trop, sans doute de te frapper le crâne. Je vais donc jeter 6D, pardon. Moins 2. Aucune réussite. Magnifique. J'ai fait 2, 2, 2 et 1, 3. Donc c'est pas un échec critique. Il se frappe pas lui-même. Il ne se frappe pas lui-même. Mais j'ai fait 0. Est-ce que tu choisis de te défendre activement ou... Ah, j'aurais dû te poser la question. Bon. Oui, non, mais de toute façon, j'avais prévu dès le début juste d'éviter le coup, pas de parer ou quoi que ce soit. Ok, d'accord. Eh bien, ça se part pas un bâton. Il enchaîne extrêmement rapidement avec un second coup, ne bénéficiant cette fois-ci pas de malus, avec 6 dés d'attaque. Est-ce que tu souhaites cette fois-ci parer? Possiblement, oui, je vais faire ça. Okay. Finalement, ça se part un bâton. Ça dépensera donc ton action, mais ça peut être intéressant. Si je me trompe pas, le fait de jouer plusieurs fois, c'est que le premier tour, non? Pardon? Non, pardon. Le fait de jouer plusieurs fois avec le bonus d'ego, c'est que le premier tour, non? Selon les règles, j'ai oublié. Autre question. Ah non, c'est pour tous les tours, à chaque fois qu'on rejette les points d'écho. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'avais oublié au tour d'avant, il avait 2 dés supplémentaires. Cela n'aurait rien changé. Ah, c'est ça le truc du premier tour. Oui, oui, oui. Oui, non, en effet, t'as raison. Mais ça n'aurait rien changé. Oui. Parce qu'il est nul. Alors. Putain, ça faille être un échec critique. Je viens actuellement de faire 4 réussites. Dont 2 déclencheurs. Ce qui est un très bon jet. Ouais. Et j'ai fait 3-1 à côté. Bon. Ça se jouerait pas grand chose. Je te laisse du coup effectuer soit un jet d'agilité mobilité, alors oui en anglais, ce qui donne agilité mobility, soit de body melee. C'est body melee, c'est pour. C'est pour parer. C'est pour parer, oui. Ouais, la seule différence entre parer et esquiver, c'est que si jamais tu pars et que tu effectues 3 déclencheurs, tu contre-attaques. Et donc, c'est toi qui le blesses. Ok. Et esquiver, sert. Et l'avantage d'esquiver, lui, sert en fait. Enfin, avoir un bon score en esquive sert également lorsqu'il faut éviter des tirs. Ok. Bon, sachant que tu as un bonus de 1D, étant donné que tu avais dépensé un point d'ego. Oui, c'est vrai. Bon, bah moi je pars sur un body melee vu que j'avais déjà dit que je parais. Ouais. Et alors. J'ai donc 1, 2, 3, 5 réussites dont un déclencheur. 5 réussites dont un déclencheur. C'est ça. Eh bien c'est une réussite. Vous autres, assis sur vos pierres, vous voyez ainsi l'adversaire, l'ennemi juré de Mokosh, sautant par-dessus son fil qu'il avait lui-même tendu, tenter de lui asséner un premier coup au niveau du visage qu'il rate lamentablement, et se fait parer le second. Parfait. Fin du premier round de combat, étant donné que tu as fait une défense active. Nous nous retrouvons avec un résultat de... Il reste 11 points d'ego pour Mokosh. Et 6 pour son adversaire. Ok. Nouveau round, je te laisse si tu le souhaites dépenser des points d'ego. Les points d'ego que je peux dépenser toujours parmi les 3 que je pouvais depuis le début. Genre maintenant il m'en reste que 2, c'est ça? Ah non, c'est de nouveau tu peux en dépenser jusqu'à 3. Ah d'accord. Bon, j'en mets 2 parce que j'ai vu qu'il avait pas mal de dés quand même. Pardon. De son côté, il en met 3. Il a la rage, hein. Il est déterminé. Bon, après il va tomber de fatigue. Mais... Ah, il est... Bah, en vrai, sur le long terme, si tu pars tous ses coups et qu'il dépense tout son ego, il va finir par le mourir en ce combat. Bon d'heure. De nouveau, j'ai l'initiative. Je te laisse le faire de ton côté. Je le fais du mien. C'est quoi déjà les jets d'initiative? Faut que je me note tout ce genre de truc. C'est psyché réactivité. Ah, oui, c'est ça. Psyché réactivité. Donc, ouais, réactivité. Plus le nombre de points d'ego que tu as dépensé, donc 2. D'accord. Eh bien, ça me fait 5 réussites, pas de déclencheur. Ok, putain, mais je suis encore passé à 2 doigts de l'échec critique, c'est incroyable. Les dés sont RP. 2 réussites, un déclencheur pour moi. Et toi, pas de réussite? J'avais 5 réussites, mais pas de déclencheur. Ok, 5 réussites, mais pas de déclencheur. Bien, tu es largement au-dessus. Donc tu peux agir sur le 7 en premier avec un bonus de 2 à ton jet. Ouais, je vais défoncer sa gueule. Eh bien écoute, tu peux me faire un jet de physique mêlée. Okay. Que je vais défendre activement ou passivement. Allez, passivement, soyons joueurs. Ok. Y a encore les égos dedans et tout ça ou... Oui, tu ajoutes ton bonus d'ego. Ok, ah merde, il me faut un nouveau D6 parce qu'il y en a. Ah voilà. Alors je lance 20. Donc j'ai 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Très bien. La défense passive était de 2. Elle est donc largement passée. Donc tu arrives à lui asséner un violent coup au niveau de la nuque, enfin du visage. Oui, là, si c'est la nuque, je défonce le. Il est fini, il est mort. Il possédait une armure de 1. Ah. auquel nous allons déduire, même si ça n'a pas forcément énormément intercepté le coup, mais bon, c'est toujours ça. Auquel nous allons déduire ta force divisée par 3. Quoi ? Auquel nous allons ajouter 2, plus le nombre de déclencheurs obtenus. D'accord. Alors, si tu veux, je peux faire le calcul de mon côté si tu trouves ça un peu trop dur à suivre. J'ai pas vraiment tout enregistré, donc je vais te laisser T'inquiète. Faire, je pense. Ouais. Alors, les dégâts sont de 2 plus 6 divisé par 3. 2 plus 2. Étant donné que tu as fait 2 déclencheurs, et donc ça augmente les dégâts. On retire 1, qui est donc son armure qui permet de le protéger tant bien que mal. Ce qui fait des dégâts totaux. Total, un nombre de dégâts total de 5. Il lui restait 3 points d'ego. Mokosh lui met un violent coup au visage. Il s'écroule par terre. C'est tout ? Oui, c'est absolument et tout. Voilà. Il se relève. Allez, on a réussi. Ouais. Bon. Bon, on peut s'en aller maintenant ? Ah non, on doit tenir promesse. Hein. Attends, hé, oh, oh. J'ai une image, tout ça, il faut que... Je fais tout pour essayer de sauver le pauvre, tu sais, genre... Bon, allez. Elle a fait promesse, tu ferais mentir, Mokosh. Et là, je regarde le gars, tu veux aller aider ton pote? Vous lui voyez qu'il regarde en mode, est-ce qu'elle va le faire? Allez, Mokosh. Je vais m'approcher et je vais commencer à donner 2-3 coups de bâton sur vous. Très bien. Les deux autres, faites-moi, donc Torik et Abby, oui. Chacun un jet de psyché perception. Bien sûr. C'est instinct perception. Oui, ça, je vais t'en revenir, mais oui. Oh mon dieu, instinct perception. Attends, parce que. Je vais tomber un dé par terre. 3 réussites. Attends, du coup j'ai pas pu lancer parce que je m'affiche ça. Moi, sincèrement, j'ai fait 4 succès. J'ai fait un très bon jeu. Ouais. Quand t'es un peu faible face à moi. Ouais, mais ça c'est le gars qui est juste à côté de nous là que t'as lancé. Pardon ? Sûrement oui. Le 4 succès, c'est le gars qui est juste à côté de nous. Vous verrez. Vas-y. Et du coup, moi, j'ai fait 4 succès, dont 2 déclencheurs. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais vérifier les règles en cas d'égalité. Voir si, en effet, les déclencheurs tranchent ou pas. Ce serait logique, quand même. Ce serait logique, mais bon, après... Ça serait plutôt logique. Non, je vais vraiment rapidement checker. Alors... Confrontation. Non, c'est l'autre gars, carrément. De toute façon, au pire des cas... Bon, t'as un peu un fusil de chasse dans les mains. Bon. Théorique. Ouais, mais bon, si théoriquement j'ai rien vu. Bon. Si, Abby, en effet, toi du coin de l'œil, tu vois l'un des jamais, Tan, qui était sur le côté, qui est en train d'essayer de subtiliser l'espadon qui était laissé sur le côté. Pas forcément, il a pas forcément, tu sais, avec. Tu as quand même fait 2 déclencheurs, ce qui est vraiment notable. Avec des intentions. Mauvaise, tu vois, il semble pas. Petite, voilà, il tente certainement juste de se faire un peu d'argent de poche. Est-ce qu'il est loin ? Non, bah il est à 1 ou 2 mètres de toi. Ok, alors. Je sors mon stylet et je lui fais un sprint dans la gueule. Mais. Ok. C'est plus par principe de. Tu vois, genre, j'arrive et je mets le stylet sous la gueule que je vais le planter directement, tu vois. Oui, c'est pas forcément dans l'idée de le planter. C'est tu sors ton stylet. Impressionné. Et tu le précipites sur lui pendant que Mokosh, elle, fout des coups de bâton. Moi j'ai le poing sous le menton, tu sais, genre appuyé, genre je me fais chier. T'es, Instant à tenir le fusil. Instant à l'humain. Mais juste, tu vois, j'ai l'humain. Tu le vois qui tente le tout pour le tout. Il saisit l'arme et il tente de se barrer avec. Bah écoute. Dans ce cas-là, moi je voulais prévenir, vu que j'ai un stylet et qu'il a remporté une clé mort dont je pense qu'il n'a pas les compétences habituelles pour les porter. Je pense qu'il est ralenti. C'est ce que je pense, hein. Je dis pas c'est ce qui se passe. De mon point de vue, c'est ce qui se passe. Donc je me dis, je peux juste continuer à courir et je vais pouvoir le foutre le stylet dans le dos, quoi. Vas-y, fais-moi un jet d'athlétisme. Pas de soucis. Body athlétisme. Oula, j'ai pas beaucoup de bon. Oui. Putain, quand tu lances 2 dés, tu fais 2 réussites. Très bien. J'ai tenté une opposition. Il jette de son côté seulement 4 dés. Oh putain, ça va être chaud. Seulement 4. T'as bien fait force athlétisme ? Mais j'ai 0 en athlétisme en fait. Ah ok, c'est pour ça. C'est pour ça que j'essaie d'avoir plein d'expériences pour... Non, j'en peux. C'est incroyable. Cette capacité qu'ont les dés à vraiment être RP. Ça m'arrive de faire de très bons jets. Mais là, à chaque fois que j'incarne ce putain de jet à m'étendre de merde, j'ai jeté 4 dés. J'ai fait 2-1, 1-2 et 1-3. Donc 0 succès, 2 échecs. Ce qui fait donc un échec critique. Ce qui fait qu'il porte la lame, il tombe par terre et moi j'arrive. C'est ça. Il commence à courir, il s'éclate la gueule comme un con en fait. Simplement, il s'est gouré, il avait oublié qu'il y avait une corde tendue. Donc il a tenté de se barrer, il se prend les pieds dedans. Et il s'assomme lui-même avec le pommeau de la lame. Enfin, de l'arme. Ah, dommage, je voulais l'impressionner, bon tant pis. Et là je suis là, je suis. Ouais, super. Toric la déprime. Je sais pas ce que vous souhaitez de faire du coup de ces pauvres gaillards, les autres se sont barrés. Hein. Bah, je sais que Moko je vais toujours en faire. Et moi je récupère l'arme de Moko, je m'amuse à le piquer un peu avec le stylet, mais pas dans le sens, c'est en mode je vais le planter pour qu'il meure, mais juste en mode il va se réveiller avec des petits trous dans le corps, tu vois. Oh là, mais t'amuses à le déchirer, c'est dégueulasse. Non mais c'est ça, tu vois, genre ça fait mal parce que c'est des petits trous, mais c'est pas le stylet que t'as enfoncé pour que le mec il meure, tu vois, genre c'est juste, il plante un peu la pointe dans un peu partout dans son corps. Tu lui graves le logo des apocalyptiques. pas le logo parce qu'il risque d'avoir des représailles, donc. Ok. Faut pas non plus. Je pense quand même à mon plan, ouais, tu vois. Elle est vache, mais pas à ce point-là, hein, quand même. N'exagérons pas. C'est ça, non, par contre, non, ouais. Je tiens mon clan. Donc, ouais, je sais pas trop ce qu'ils auraient à craindre, mais ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je vois pas trop ce qu'ils auraient à craindre, mais ouais, y'a pas de soucis. Non, en fait, c'est. Enfin, genre. Oui, je pas forcément d'un MRP, mais en vrai, tu peux te dire que. Tu sais, ils vont aller voir leur chef en mode, vous avez vu ce qu'ils m'ont fait, et ça peut créer des tensions, tu vois. Alors que j'ai des bonnes relations avec Thomas, j'aimerais bien les garder. Du coup, non, je m'amuse juste à le planter sans forcément de sepsis. Encore, ça serait vraiment des petits résidus, pourquoi pas. Mais... De ton côté, Mokosh, est-ce que tu étais vraiment en train de le tabasser ou t'étais juste histoire de... Non, je lui ai donné quelques coups, mais je l'ai pas... Cependant, quand je me suis retourné et que j'ai vu que mon espadon il avait bougé, là, je suis bien vénère. Je vais attendre qu'Abby ait terminé son jeu et je vais lui demander son stylet. Oh non. Bah, du coup, bah, quand moi j'ai fini, je me retourne vers lui en mode j'ai ta. Ah bon, bah tiens. Très bien. De la colère. Tu vois, à ce moment-là, le mec qui commence à peine à se relever. D'accord. Et avec le stylet, je vais revenir vers lui, je vais le garder étalé au sol. J'ai bugué avec mon pied. Je vais le garder étalé au sol avec mon pied. Et je vais dessiner une petite tête de chèvre sur son torse. Oh. Ça, c'est bien. Ça, tu vois, ça pose pas de problème pour les apocalypses. Vas-y. On aurait des téléphones, je filmerai. Je me demande si un jet de dés approprié à cette action. Attends, est-ce que la tête de chèvre est bien faite ou pas ? Non, en vrai... Fais-moi un jet de... C'est ce que j'allais dire, de charisme art. Si tu veux, je peux le faire. Voilà. Enfin, je peux t'aider à manier ta main. Dégueulasse qui ressemble à rien. Tu peux y ajouter tes points de mêlée en bonus. Oh putain. Du coup, je vais rajouter les points de mêlée avec. On va jeter ça. Il va faire la Mona Lisa sur le... Et j'ai... 5 réussites, dont 2 déclenchements. Ouais, tu vois, le gars il te fait la Mona Lisa, quoi. En mode. Un talent pour le dessin, la représentation animalière. Ça, le dessin au stylo. Putain, 5D. Je pense qu'il se découvre un talent pour le tatouage. Parce qu'en fait, avec le stylet, c'est quasiment du tatouage. C'est trop bien. Parfait. Une chèvre. Tu remarques également un détail. À un moment, il a fait tomber ton arme. Le pommeau de cette dernière s'est séparé de la lame. Oh putain, mais hey, le MJ, c'est pas cool là. Au début, tu pensais, tu pensais simplement que cette dernière était soit pétée, soit machin. Mais il s'avère que non. Visiblement, ceci est prévu puisque au bout du pommeau se trouve une lame, telle une dague. Mais. Eh, mais c'est cool ça. Mais mon coach. Peut-être qu'on t'avait déjà parlé de cette fonction, mais tu devais pas écouter lors de tes journées d'entraînement. Mais visiblement, au niveau des espadons anabaptistes, se trouve une dague ancrée à l'intérieur du pommeau. Mais Mokosh, regarde, c'est trop cool! Ah, mais je savais pas. J'étais pas au courant. Putain, mais c'est vraiment trop bien! En effet, ceci peut avoir plusieurs applications utiles en cas de combat au corps à corps. Très bien. Bon bah Mokosh, je te rends ta lame, hein. Enfin tes lames. Merci, et toi je te rends ton stylet. Merci. Je le nettoie un peu parce que... Et si possible en repartant, mm-hmm. juste genre en passant pas loin de ce tif ou un truc comme ça, je lui dis, la prochaine fois que je te croise, je marquerai sur ton dos, je suis une petite chèvre, baisez-moi. Oh. Celui qui a voulu essayer de voler ton épée ou ton adversaire Non, lui, je veux qu'il ait peur de moi pour toujours. pas le voleur, je m'en fous, techniquement. C'est son chef qui a pris. Très bien.